job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait des poches, lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Font pire que Lucifer. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Ce matin, avec entre 6h et 9h aujourd'hui pour débuter la semaine, votre hoverboard de chez Corban Wheels a gagné. Ça sera gagné tout au long de l'émission jusqu'à un peu plus de 9h. Bonjour à vous, merci de commencer cette journée de lundi avec Fun Radio. Il est 6h. Fun. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Bon lundi à tous et bon début de semaine sur Fun Radio. Il est 6h pile, on s'informe tout de suite avec Jean-François. Salut Dieu. Bonjour Justine, bonjour à tous. Une explosion due au gaz a ravagé un night shop et une friterie durant la nuit à Fontaine-l'Évêque. Les dégâts matériels sont importants. On ignore pour l'instant s'il y a des victimes. Il s'agit de deux commerces de la rue du Pétrier à Fontaine-l'Évêque qui ont été soufflés par une explosion due au gaz vers 4h15 ce matin. La friterie et le night shop voisin ont été complètement dévastés. Les pompiers de Charleroi sont encore actuellement sur place et recherchent d'éventuelles victimes parmi les décombres. On ignore pour l'instant si les étages étaient habités. Un périmètre de sécurité a été instauré par la police. Nous y reviendrons dès que nous aurons plus d'informations. Nouvelle semaine sociale en vue, des actions de contestation sont à prévoir contre les mesures d'économie du gouvernement. Bonne nouvelle du côté de la mobilité, car aucune grève n'est annoncée, tant à la SNCB qu'au niveau des bus du TEC ou de la STIB. Le début des grèves tournantes dans les services publics est prévu à Liège, où toutes les administrations locales sont touchées par ces mouvements de grève à des degrés divers. Après Liège, la grève tournante s'installera successivement dans différentes provinces, à commencer par celle de Luxembourg demain, ensuite du côté de Namur et du Brabant-Wallon mercredi, et pour finir dans le Hainaut lundi prochain. Du côté de la Poste, la grève sera générale avec de fortes perturbations au niveau du courrier aujourd'hui, mais également demain. La CGSP et la CSC ont appelé à une grève de 24 heures. Les syndicats dénoncent notamment le manque chronique de personnel, qu'il soit facteur, trieur, chauffeur, guichetier, responsable de bureau ou simplement femme d'ouvrage. Les postiers ne sont plus en mesure de continuer à assurer un service de qualité à la population dans ces conditions, explique-t-on du côté de la CSC. D'autres actions en l'absence de gestes forts et rapides de la part de la direction sont à craindre. Du coup, votre boîte à lettres risque bien de rester vide ce matin. Il faut aussi s'attendre à une perturbation au niveau de la distribution des journaux. L'auteur du massacre qui a fait 50 morts dans un club gay d'Orlando, le pire attentat aux États-Unis depuis le 11 septembre, a été interrogé à plusieurs reprises par la police fédérale, mais sans suite. Omar Mateen aurait appelé les secours américains avant de passer à l'acte pour annoncer qu'il prêtait allégeance aux djihadistes de l'État islamique. Selon plusieurs médias, 50 personnes sont mortes et 53 autres blessées durant la fusillade au Pulse, qualifié par le président Barack Obama d'acte de terreur et de haine. Lourdement armé, Omar Mateen a d'abord pris des otages vers 2 heures du matin dimanche avant d'être tué 3 heures plus tard dans un échange de tirs avec les forces d'élite. Les favoris ont déjà confirmé leur rang ce début d'Euro. Après la victoire de la France 2-1 dans le match d'ouverture contre la Roumanie, l'Allemagne, championne du monde en titre, a remporté hier soir son premier match face à l'Ukraine sur le score de 2-0. La Pologne, la Croatie, le Pays de Galles et la Suisse ont aussi réussi leur examen d'entrée, tandis que l'Angleterre et la Russie ont dû se contenter d'un partage. Les Anglais et les Russes qui sont déjà sous le coup d'une menace d'exclusion de l'Euro en cas de nouveau débordement de leurs supporters. L'Espagne fait l'entrée dans ce tournoi aujourd'hui face à la République tchèque à 15h. L'Irlande affronte ensuite la Suède à 18h et à 21h, ce sera bien évidemment le match que tout le monde attend entre la Belgique et l'Italie. Fun Radio. Fun. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be. Le son de Pep NH, on termine avec la météo, Jean-François. Le ciel sera toujours nuageux et quelques averses, voire des orages sont à craindre. Les maxima de température atteindront de 14 à 18 degrés. Et puis ceux qui organisent les écrans géants en plein air ce soir pour le match des Diables Rouges contre l'Italie croisent les doigts, mais il risque malheureusement bien de pleuvoir dans plusieurs régions. On se retrouve à 6h30 pour les prochaines infos. Et tout de suite, c'est le son Dance Floor sur Fun Radio avec Pep NH. Fun. Fun Radio. Panos présente les feux du four. Go, ça va vite. Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Du son Dance Floor et de la déconne pour vous secouer dès le matin. Slips away. Dans un instant, je vous ai calé Florida sur Fun Radio pour le son Dance Floor. Nous sommes lundi aujourd'hui le 13 juin. Je vous dis bonjour les doudous et bienvenue. Allez, on chante. Eh ben, les la tribu, c'est sur Fun Radio. De 6h à 9h. Une bande de déconneurs. Eh ben, les la tribu, c'est sur Fun Radio. Et ça fait trop du bien. Avant les couleurs. Eh ben, les la tribu, c'est sur Fun Radio. De 6h à 9h. C'est sur Fun Radio. Nouvelle semaine qui démarre avec nous, bonjour à vous. Alors on va dire bonjour à toute l'équipe qui s'est installée là dans le studio tranquillement. Bonjour Justine. Hello Evan. Comment vas-tu ce matin? Ben ça va bien et toi? Oh super bien, super bien, de bonne humeur, pas assez dodo mais pas grave, quand même de bonne humeur et bien réveillé, pas assez dodo. Jean-François est là, l'info, la météo, l'info trafic, bonjour Jean-François. Bonjour Evan. Bonjour Doudou Khalid, sœur Khalid du Jourbon qui entame sa deuxième semaine de Tariq Ramadan, hein, c'est ça? C'est ça. Yes, ça va, ça tient, yes. Ça tient le choc? Écoute, ça va très bien même, j'ai perdu 3 kilos en une semaine, c'est génial ça. Putain, c'est vraiment, et ça, et tu vois, les gens ils se cassent les fesses à faire des régimes à la con. Non, faites comme Khalid, vous faites le Ramadan, pas vous maigrissez. Je vous rappelle que bientôt on fera une opération sur Fun Radio, normalement ce sera semaine prochaine et la semaine d'après. Fun Radio paye ta rupture de jeûne, hein, ce sera tous les jours. Entre 6h et 9h. J'attends avec impatience que Billy Boy, notre stagiaire, nous confirme qu'il a bien commencé à travailler dessus, mais je pense que c'est pas encore le cas. Sandro est là également. Bonjour mon Sandro pour la Hey, Réa. Bonjour. Hey, à toi aussi. Oh. Il est 6h08 sur Fun Radio. On va parler de ce qu'on a fait ce week-end dans un instant. Vous allez pouvoir le faire également par SMS au 3044. On parlera football, bien évidemment. Sans Il y aura vrai. L'horoscope, ce sera aux alentours de 6h20. L'horoscope, c'est l'horoscope de l'amour et de l'amitié. Et pour le son Dance Floor, je vous ai casé, pardon. Oh non, dis donc. Ça bug un peu ce matin. Oh. D'ici 6h30, Face et Afrojack sur Fun Radio. Il y aura Chris Cab aussi. Est-ce qu'on fête des prénoms aujourd'hui, Justine? On fête les Antoine et les Anthony. Bon anniversaire. On a un Anto, hein, nous, dans notre groupe. Yes. Oui, dans notre groupe d'animateurs. Notre groupe. Hein. notre team. Ouais, la team, la Dream Team. On a un Anto, lui, c'est une bonne fête. Donc, bonne fête à vous. Si vous portez l'un de ces deux prénoms, bon anniversaire si vous êtes né un 13 juin. On va écouter Florida. Et puis, juste derrière, on entendra ce qu'on va vous offrir toute cette semaine. Et notamment, nous allons revenir sur ces overboards offerts par Urban Wheels. Il est 6h09 sur Fun Radio. I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my rooms are right. Alright, alright. I don't like it, I love it. I got another coming in my budget. I got an anaconda in my truck fit. Don't push it, don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. All night and I'll spend it cause I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. Turn down for who, girl? Another round to help us step the moves up. Yeah, but that round need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. Like a body nice next to my tongue for it. Yeah, body all right, let's all aboard. Let's all aboard, all aboard. I don't like it, I love it. And them other girls, they can't touch it. Competition, that's a whole nother subject. I wanna walk it out in public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's cold, perfect time, gotta let it flow. You know. watching, I'm watching. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. Il est 6h13 sur Fun Radio. Dans un instant, ce sera l'horoscope, l'horoscope de l'amour et de l'amitié. On va écouter le son de Face et Afrojack également. Nous allons parler de l'overboard qu'il y aura à gagner tout à l'heure de chez Urban Wheels. Comment on peut décrire un overboard, Justine? Toi qui n'es pas une spécialiste, mais qui a quand même bien appris la leçon. Ben, c'est comme une planche à roulettes, j'allais dire. Non, c'est pas du tout notre génération. Un skateboard, mais qui nous fait planer un peu, c'est-à-dire qu'il y a deux grosses roues sur les côtés. Et puis, un peu comme dans Retour vers le futur, on n'a pas besoin de... Quoi ? Je ne sais pas si tu vas être embauché par Urban Wheels. Hein, on n'a pas besoin d'utiliser ses pieds pour se déplacer, ça le fait à notre place, c'est électronique, quoi. Et ça tient en équilibre de manière automatique, on va dire ça ouais, comme ça. Ouais, c'est ça, hein. Mais on doit un peu fléchir les jambes pour avancer, quoi. Ouais. Oui, ma doudou. Elle vient de faire la description d'une chaise roulante, en fait. Non, c'est pas vrai. Un skateboard qui fait planer, ça, j'aimerais quand même bien voir. Hein. Excusez-moi, mais allez voir dans Wikipédia et c'est ce qui est écrit. Ah bah merci pour ton aide en tout cas, voilà. C'est sûr. C'est sérieux, c'est ce qui a marqué dans Wikipédia avec ouais, la description de l'overboard, mais c'est un skateboard qui fait planer. Je pense bien. C'est pas la référence, Wikipédia, tout le monde le sait quand même. Hein. Wikipédia slash Justine. Attends, Khalid va nous expliquer ce que c'est qu'un overboard. Vas-y, mon Khalid, à toi. Alors, vous avez 3 heures devant vous? Ouais, c'est parti. Justement, on a le temps, ça tombe bien. Eh bien, c'est une espèce de planche latérale avec deux grosses roues à pneus. Et pour avancer, c'est plus comme avant. Il faut plus pousser avec son pied sur le sol. Il faut juste se pencher vers l'avant ou se pencher en arrière. Et c'est magique, c'est électronique, ça pèse 14 tonnes. C'est vraiment génial. Et voilà. Deux grosses roues à pneus, voilà ce que vous allez pouvoir gagner ce matin. Nous avons dit des rêves. Pas plus que toi alors. Je pense qu'il n'y en a pas un des deux qui sera embauché par Urban Wheels. Bon, 6h15, les doudous, ce sera gagné tout à l'heure. Dès que je vous donnerai le top, vous pourrez vous inscrire. En envoyant, attention, le mot code a changé par rapport à la semaine dernière, parce que vendredi, on a eu une panne de SMS. Il faudra envoyer Evan, puis votre message au 6322. Voici le son de Face et Afrojack juste derrière. On parlera football, on parlera également de ce qu'on a fait ce week-end. Et puis ce sera l'horoscope de l'amour et de l'amitié. 6h15 sur Fun Radio, nous sommes aujourd'hui lundi, le 13 juin. Restez branchés sur Fun Radio toute la journée et repartez avec l'objet le plus stylé du moment, votre overboard d'Urban Wheels. Toute la semaine, écoutez la libre antenne de Vince de 20h à 23h et déplacez-vous sans effort et avec classe grâce à votre overboard d'Urban Wheels en envoyant Fun par SMS au 6322. Un nouveau message. Wouhou, c'est trop fun! Les cadeaux tendances les plus ouf, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Envolez-vous d'un clin d'œil de votre chaise de bureau à votre transat avec Jetair. Réservez maintenant votre last minute et profitez de réductions jusqu'à moins 50% sur vos vacances d'été à Kos, en Bulgarie ou en République dominicaine. Allez vite dans votre Jetair Center chez votre agent de voyage Jetair ou sur jetair.be. Jetair.

Non, j'avais pas de tutune malheureusement, donc j'ai gardé. D'accord. Pas de tutune claquée ce week-end. Et Khalid, qu'as-tu fait toi, par le ramadan? C'était foot, sport, marché. Et d'ailleurs, foot, sport, alors que tu fais le ramadan, tu fais le truc en même temps toi. Ah ouais, ouais, j'ai fait 33 km. Pas étonnant que tu perds 3 kilos en une semaine. Exactement, j'ai fait 33 km de vélo samedi. Mais à l'aise, hein, pépère. Hein. Et hier, j'ai couru 7 km. Mais Et la vitesse maximale, je crois, en pointe, c'était 19 km/h. C'est cool, ça. Mais quel malade mental. Voilà, tout ce qu'on déteste, Justine, moi, Jean-François et Sandro. Voilà, déjà qu'on ne fait pas le truc et qu'en plus, on ne fait pas de sport. Jean-François, t'as fait quoi, toi, ce week-end? Écoute, t'avais un tournoi de tennis, non? Non, je joue finalement demain. Donc, mais c'est demain. Oui, ça a été très foot et même cyclisme aussi. Alors, aussi, ce que Khalid a oublié de te dire, Evan, c'est que s'il a couru 7 km, c'est parce que le mec à qui il avait piqué le vélo samedi essaie de le rattraper. Exactement. C'est pour ça que j'ai fait 33 km. Et Sandro, toi, qu'est-ce que t'as fait? T'étais sur Tinder? Non, plus du tout, plus sur Tinder. Je suis sorti, voilà. Ah, petite soirée discothèque? Oh. Discothèque géniale? Voilà, c'était génial. Bon, ouais, c'est vrai, non, il est plus sur Tinder parce qu'il a trouvé, je pense, l'amour de sa life. Ah là, c'est. Et on prépare le mariage. C'est déjà? Ouais, je cherche un DJ d'ailleurs, t'es pas disponible? Bah, tu peux. Si je suis en réduc en ce moment, je fais des réductions, y'a pas de soucis. Cool. SMS 3044 pour t'inscrire. Bon, qu'est-ce que vous avez fait, vous les doudous? Dites-le moi. SMS 3044, dans un instant, nous parlons évidemment football, une journée très importante, et à 6h22, je vous envoie Chris Cab dans un instant avec Youssoufa. L'horoscope de l'amour et de l'amitié chez nous, c'est l'horoscope et on commence avec les béliers. Essayez de calmer votre partenaire par un quelconque moyen. Voilà, vous pouvez par exemple bâillonner. Taureau. Soyez discret dans vos relations, vous aurez besoin de recul pour faire avancer les choses. Du recul, parfait. Gémeaux. Votre rendez-vous avec le grand amour n'est en effet pas encore pour tout de suite, soyez un peu patient. Les cancers. A priori, tout va bien pour vous, vous êtes heureux et votre famille aussi. Ah, c'est bien les cancers de nous cracher votre bonheur à la gueule. Les lions. Un seul conseil, laissez parler votre cœur. Vierge. Si vous êtes en couple, vous aurez droit à des moments tendres, sincères et harmonieux. C'est beau les balances. Prenez du temps pour vous, vous avez besoin de vous détendre. Faites un prout, scorpion. La vie de couple sera plus que jamais importante à vos yeux. Sagittaire. La fête sera au rendez-vous et cela durera jusqu'à la fin de la semaine. Ça, c'est un mec qui a commencé une soirée samedi et qui jusqu'à la fin de la semaine sera pompé la po Capricorne. Ne comptez sur personne pour vous aider, cette fois vous devrez avancer seul. Les Verseaux. Vous aurez besoin de réconfort et de soutien ces jours-ci. Et nos amis les Poiscailles, alors ça donne quoi? Le week-end vous a bien reposé les poissons, vous repartez sur de bonnes bases. Je vous souhaite une très bonne journée avec nous, c'est Evan, c'est la tribu, les 6h24. L'horoscope. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Sandro, tu mets quoi dans ta voiture? Parce que Kiki, il met une vaillinée, là, il y a Cricri qui met des dés. Couleur menthe. Non, je mets rien du tout, moi, parfois c'est le bordel. Fab, tu mets des trucs dans ta voiture, ouais, ou pas? Mon gros cul. Oh. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Vous voulez voir Thibaut plonger sur un grand écran? Voir Kevin dribbler en High Dynamic Range? Voir Christian marquer en Ultra High Definition? Les Belges sont prêts pour le foot. Et nous aussi chez Vandenborg, avec les toutes dernières technologies pour la meilleure expérience visuelle. Venez choisir votre TV et emportez-la directement. Ou faites-la vous livrer dans les 2 heures. Ou commandez-la aujourd'hui sur vandenborg.be et elle sera livrée et mise en service gratuitement demain. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du wifi. Alors chérie, aujourd'hui je te propose de déjeuner à l'hôtel. D'accord. Et puis après on peut aller se dégourdir les jambes dans les couloirs de l'hôtel. Ah. Et puis prendre l'air sur la terrasse de la chambre de l'hôtel. Mmh. Et alors l'après-midi, on part pour une petite visite des cuisines de l'hôtel. C'est super. Avec Orange, ne cherchez plus de wifi. Appel, SMS et surf en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions et activation sur orange.be. Promo valable jusqu'au 31 août inclus. Dit de Vos. Oui, les mens. À part la Belgique, t'es pour quelle équipe, toi, à l'Euro? Mais pour le Brésil, hein. Quoi? Le Brésil participe à l'Euro? Oui, oui, oui. À chaque match, dans mes frites, oui. La sauce Brésil, bien de chez nous. La voilà. De Vos, les mens. À table. Fun Radio. Fun Radio. without

dénoncent notamment le manque chronique de personnel, qu'ils soient facteurs, trieurs, chauffeurs ou encore guichetiers. Les postiers ne sont plus en mesure de continuer à assurer un service de qualité à la population dans ces conditions. D'autres actions en l'absence de gestes forts et rapides de la part de la direction sont à craindre. Du coup, votre boîte à lettres risque bien de rester vide ce matin, mais également demain. Et il faut également s'attendre à une perturbation au niveau de la distribution des journaux. La voiture a rapporté un peu plus de 16,5 milliards d'euros à l'État et aux régions en 2015. Les accises n'ont jamais été aussi rentables sur base des calculs de la Fédération de l'industrie automobile. Les accises sur les carburants ont permis à l'État d'engranger 181 millions de plus qu'en 2014, tandis que la TVA a rapporté un peu moins, les prix du carburant ayant un peu baissé. Toujours selon les chiffres de la FEBIAC, les amendes de roulage ont été moins juteuses l'année dernière. Enfin, l'État a pu empocher 35 millions supplémentaires en 2015 grâce aux nouvelles plaques minéralogiques auxquelles il faut ajouter un peu plus de 4 millions pour les plaques personnalisées. Les autorités de Los Angeles tentent de déterminer les motivations d'un homme arrêté tout près de Los Angeles avec un arsenal dans sa voiture et qui prévoyait d'aller à la Gay Pride ce week-end. Cette arrestation survient le jour même où l'attentat d'Orlando, le pire des États-Unis depuis le 11 septembre avec 50 morts et 53 blessés, a visé une boîte de nuit emblématique de la communauté homosexuelle en Floride. Des représentants de la police ont toutefois précisé ultérieurement qu'ils étaient encore en train de tenter d'élucider ses intentions. Le jeune homme âgé de 20 ans aurait juste indiqué aux forces de l'ordre avoir l'intention d'assister à la marche des fiertés sans avoir formulé l'intention de commettre une attaque. Euro 2016, tous derrière les Diables avec Fun Radio. 16 ans après leur dernier match dans un championnat d'Europe de football, les Diables Rouges retrouvent enfin la pelouse d'un Euro ce soir dans leur premier match au Stade de Lyon. La rentrée leur réservera directement un gros morceau avec l'Italie vice-championne d'Europe en titre. Avec de grands noms comme Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, encore Romelu Lukaku, les attentes au tournant de notre équipe nationale n'ont jamais été aussi élevées. Selon de nombreux médias, le coach italien envisage de jouer de manière très offensive parce qu'il estime que défensivement les Diables sont perfectibles. Pour beaucoup d'observateurs, un match nul serait déjà un très bon résultat. Galantis, encore le son de Drake. Voilà ce que je vous ai calé dans un instant. Quel est le programme de la météo? On n'arrive pas à stabiliser tout ça, Jean-François. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, mais en tout cas pour l'instant c'est pas l'été. Absolument, Evan. Le ciel sera encore et toujours nuageux avec quelques averses, voire des orages qui sont encore à craindre. Côté température, ce sera entre 14 et 18 degrés. Ceux qui organisent donc des écrans géants en plein air ce soir pour le match des Diables avec contre l'Italie croisent les doigts, mais il risque bien de pleuvoir dans plusieurs régions et ça ne s'arrangera pas durant le reste de la semaine puisqu'on annonce un temps toujours aussi variable jusqu'au moins vendredi. Le prochain rendez-vous de l'info à 7h. Tout de suite, c'est le son Dance Floor sur Fun Radio avec Galantis. Du son Dance Floor et de la déconne. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. 6h36 sur Fun Radio, du son dance floor et de la déconne. Merci de vous réveiller tel que vous êtes. Merci d'être secoué par nous dès le matin. Avec à suivre, là dans moins de 2 minutes, le son que toutes les filles kiffent, mais grave les garçons aussi, c'est le son de Drake. Oh oui. Oh. C'est orgasmique ce morceau. C'est le morceau qui donne envie de faire des câlins avec sa chérie ou avec son chéri. On va lire tous vos messages par SMS au 3044, un mot également de ce que vous avez fait ce week-end. J'aime bien savoir ce que vous avez fait le week-end. Par exemple, Mylène me dit qu'elle a fait un week-end grasse mat. Il y a Chloé qui a fait un week-end de barbecue avec plein de sauce. Elle me dit Charles de la Louvière a lui fait du jogging avec sa chérie. SMS 3044, le Facebook de l'émission, également le Snapchat. On vous lit ce matin. Direction le Snapchat maintenant, et c'est Justine qui regarde vos messages. Alors Claire nous dit hello la tribu. Alors, et là je vais dire alors, mais c'est pas moi, c'est Claire. Okay. Ah, alors, je rappelle aussi. Mais moi aussi, oui, mais je prends ton ben tic. Voilà. Je dis aux auditeurs qu'on essaye de gommer le terme alors de cette émission parce qu'on a tendance à débuter toutes nos phrases par alors. Justine, on lit les messages sur le Snapchat de l'émission. Claire nous dit hello la tribu, alors on peut vous retrouver où ce soir pour le match? J'ai trop envie de vous rencontrer. Bah, moi perso, je serai à Mons avec Khalid ce soir. Yes! Très bien. Voilà, moi, je serai dans mon canapé et chez moi. Yes! Donc, François, tu seras où? Moi, je serai au Soccer Village à Montigny-Tilleul. Et toi, Sandro? Je serai à la place Dumont à Stockel. Voilà, au quatre coins de la très Belgique. Bien, donc, vous savez où vous pouvez trouver en tout cas un membre de la tribu quelque part en Belgique pour aller voir le match. Qui débute à quelle heure d'ailleurs le match? À 21h. 21h, ouais. Ok, donc au taquet ce soir, tous derrière les diables avec Fun Radio. Autre message, Justine. Mathie nous dit comment était le week-end les rondelles? C'est reparti pour une semaine en bonne compagnie. Bisous à vous tous. Et puis Valentin, comme l'a dit Jean-François dans son journal, on est tous derrière les diables. Allez, commande la Belgique. Bon courage à vous, en tout cas je parle au diable, hein. Effectivement ils ont un petit peu la pression, d'ailleurs ça va être un peu dur peut-être pour la Belgique parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'Italiens qui sont chez nous, donc le cœur va pencher entre l'Italie et la Belgique à l'image de ce message de Patrizio qui me dit salut à tous, Evan et la tribu, bonne journée, vive la tribu, un petit coucou de la friterie Alba, voilà, il pronostique un 1-1 ce soir à une égalité, hein, ce qui serait visiblement pas si mal que ça. Oui ça c'est ma voix qui déraille. En fait, j'ai un moteur, j'ai un diesel loin. C'est une tronçonneuse, c'est pas la même chose. Bon, t'as jamais entendu une tronçonneuse de ta vie, hein, Johnny Bûcheron, là, c'est pas possible. Khalid, on va lire les messages qui parlent des températures du temps qu'il fait chez vous ce matin. Il pleut partout, ça c'est clair. 14 degrés à Angleur, Steph. 13 degrés du côté de Tournai, signé Audrey. Aziz nous signale 14 degrés sur la capitale. 12 petits degrés à Marche-en-Famène. Merci à toi, Vincenzo. Et visiblement, le pire, Khalid, c'est que ça va pas s'améliorer cette semaine. C'est-à-dire qu'on a beau regarder, hein, y a pas, voilà, l'été ne veut pas s'installer, l'été fait la gueule, les nuages sont bien présents. Et avec ça, on va faire comment pour travailler notre bronzage pour aller à la plage cet été, hein, hein, Doudou? Ah ben je sais pas, moi ça va, je suis déjà bronzé donc c'est bon. Ouais, il y en a qui vont faire des bancs sans rire. On va faire la phrase Facebook du jour maintenant. Alors, ma copine me dit qu'avoir un petit zizi, ce n'est pas très grave, peut-être, mais moi j'aurais préféré qu'elle en ait pas du tout. Ça me fait penser à The Very Bad Trip, le numéro 2, ah là, oui, quand il tombe sur une femme avec un zizi. La phrase Facebook du jour, on la met, si possible, avec une photo, ce serait pas mal, hein, avec sur une le photo Facebook de l'émission. Bah oui, justement, avec, mais je sais pas si Facebook nous l'autorisera. Non, c'est le Facebook de l'émission. Bon réveil. Bon, non, la réponse est non. Voici Drake sur Fun Radio avec One Death. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son dance floor. Dance floor. Dance floor. Before the party, turned up hotel lobby. Fast life like a Ducati, spending money like I'm from Saudi. Bagging bitches with the bad bodies, semi cooling with the black Barbies. I got brain cause she a smarty, and now I'm feeling like la-di da-di. Hey, wait a second, wait a minute, I don't think you're ready for it. Hey, party like a pro, baby, I don't gotta train for it. Oh, drinking all the liquor and I ain't even paying for it. Second, any minute, we about to see the chorus. The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls, and the girls. Any second, any minute, we about to see the chorus. The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls, and the girls wanna play with girls. Boys wanna play with boys, oh boy, don't you love this girl? The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls, and the girls wanna play with girls. Boys wanna play with boys, oh boy. Love this world. Baby, we don't stop and we don't quit. In a club like we the shoe. Two more, legit. Up in this bitch and we so lit. Oh my God, oh my goodness. Feel good cause I'm sipping on good shit. Two drinks, got two fists. Three chicks, got two, four, six chips. Hey! Wait a second, wait a minute, take it to the next level. Hey! Turn up the bass, turn up the track treble. Oh! Party like an animal, party like a rap rebel. Whoa! Any second, any minute, we about to get in trouble. Boys wanna play with girls, and the girls wanna play with girls. Boys wanna play with boys, oh boy, don't you love this girl? The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls, and the girls wanna play with girls. Boys wanna play with boys, oh boy, don't you love this world? Il est 6h44 sur Fun Radio. Dans un instant, vous l'avez entendu à l'instant, Benny Benassi et Chris Brown, c'est ce qui va arriver. Et désolé si vous avez entendu tout à l'heure qu'on a coupé un peu Joey comme une merde. C'est qu'il y a eu un souci informatique sur plusieurs émetteurs en Belgique. Et donc vraiment, nous, c'est pas le genre de la maison de couper les disques comme ça. Mais là, c'est vrai que c'était à l'arrache. Hein. Donc pour ceux qui kiffent, désolé, vraiment un grand désolé. Justine, on va rappeler ce qu'il y a à gagner aujourd'hui, notamment parce qu'on a eu un souci d'SMS. Les gens vont vraiment dire, mais putain, mais à Fun en ce moment, ils ont des soucis informatiques, ouais. Et la réponse est oui, on a beaucoup de soucis informatiques. Donc rappelle-nous ce qu'on va offrir, ce sera tout à l'heure. À partir de 7h20, il y aura un top pour vous inscrire par SMS pour la grande finale qui vous permettra de gagner votre hoverboard ce matin. On vous offre l'hoverboard de chez Urban Wheels d'une valeur de 400€. Alors, rappelons ce qu'est un hoverboard, et le spécialiste de la définition de l'hoverboard, c'est Sorkali du jambon. Hein, et bien, c'est l'équivalent d'un skateboard, c'est-à-dire une planche avec des roulettes, sauf que au lieu d'avoir deux roulettes avant, deux roulettes arrière, sont deux grosses roues sur les côtés, donc on se déplace de manière vers l'avant. Pas latéral, j'allais dire latéral, mais vers l'avant, juste en se penchant en avant ou en arrière. C'est électrique, mais... c'est magique et c'est offert par Urban Wheels. Et en gros, c'est comme un Segway, ouais, mais c'est juste plat, quoi. Vous n'avez pas un truc devant pour vous permettre de tenir. D'ailleurs, dans les gares françaises, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, ouais. C'est un truc de fou, que ce soit Gare du Nord, Gare d'Austerlitz, etc. Tous les agents sont des feignants, ils ont tous des Segway pour se déplacer. Les mecs, fini, je marche plus à pied.

Il est 6h53 sur Fun Radio, merci de commencer la journée avec nous. Nous sommes là tous les matins entre 6h et 9h, c'est Evan, c'est la tribu avec toute ma team. Il y a vos messages qui débarquent par SMS au 3044, faites les petits coucous du matin. Dites-moi où vous êtes, comment ça va, ce que vous avez fait ce week-end. Faites vos pronostics également pour le match de ce soir entre les Diables et l'Italie. Il y a le Snapchat de l'émission Evan et la tribu et évidemment le Facebook. Dans un instant, avant 7h, il y aura les filles de Fifth Harmony sur Fun Radio. Salut les filles. Salut les filles. Let's go. 5 secondes chrono. Affrontez Evan et sa tribu. Et c'est Jonathan qui va jouer avec nous, avec nos copains de chez Méga Bleu. Bonjour Jonathan. Bonjour l'équipe, bonjour Evan. Bonjour Jonathan, bien réveillé ce matin? Oui hein. Ouais, t'es de quel coin toi? T'es d'où Jonathan? Ok, ça va ce matin, donc en pleine forme pour jouer aux 5 secondes chrono. Jonathan, tu veux jouer contre qui ce matin? Contre toi, Evan. Ah. Ok, allez, on va tenter un petit match ce matin. Je suis chaud comme la braise. La maîtrice, la maîtrise de cérémonie, c'est Justine Arcout. Justine, vas-y. On commence avec toi, Jonathan. Jonathan, en moins de 5 secondes chrono, cite 3 choses que l'on peut trouver à la plage. Top. Oh, un parasol, un drap et un maillot de bain. C'est bon, c'est validé, c'est avant le gong. Allez, c'est gagné, hein. Bravo pour toi, Jonathan, on peut t'applaudir bien fort. C'est à mon tour de savoir si je vais réussir à marquer un point. Alors la plage, pour l'instant, faut un peu l'oublier. Hein. C'est parti pour la deuxième carte. Evan, en moins de 5 secondes chrono, cite 3 choses pouvant être verrouillées. Top. Une porte, mon cul et... Non, oh non. Mais si. Bah non, mais comment tu veux le verrouiller? Il y a un cadenas. Eh ben ouais. Oh mon dieu, quelle horreur. Ah mais j'aurais pas. Oui, c'est ce qui m'est venu en premier. Je suis désolé. Enfin, ce qui m'est arrivé en deuxième. Tu vois, j'ai... même quand je fais facile, en fait, c'est des fausses excuses que tu trouves tout le temps parce que, en fait, t'es juste nul, c'est tout. C'est je tout. Suis une merde. Voilà. Faut le dire fort. Et c'est une victoire, mesdames et messieurs, de Jonathan qui repart avec sa boîte de jeu 5 secondes chrono. Offert par Méga Bleu. Jonathan, je te souhaite une belle journée. Un pronostic pour le match de ce soir, Jonathan? Ah, Belgique, bien sûr. Et en plus, j'ai ma petite italienne à côté de moi. Alors, ça va déchirer tout ce soir, victoire de diable. Les couples où il y a un belge et un italien, ça va chauffer ce soir, je crois. Ah, je sens le taux de divorce exploser. Il n'y a pas besoin d'être italien tous les deux. Moi, ma femme, elle est belge, mais elle est pour l'Italie. Hein. Mais non. Ah, si. Ça sera un coup de pizza dans la figure ce soir chez certains couples. Hein. Je t'embrasse, mon Jonathan. Pour vous aussi, jouez aux 5 secondes chrono. Écoutez comment ça se passe. Pour jouer vous aussi aux 5 secondes chrono avec Méga Bleu, envoyez le chiffre 5 par SMS au 6322. Dans un instant, à 7h, les infos, la météo avec Jean-François. Et pour aller jusque-là en se réveillant tranquillement ce matin, partout où vous êtes sur Fun Radio, voici Fifth Harmony. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up to picture, I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, but you gotta put in work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work from home, oh, oh. We can work from home, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacate. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, allô, est-ce qu'on m'entend? Parce que je n'ai plus de retour dans mon casque. Oui, on est allô, là. Allô, allô, allô. Ah, quel bordel, ce matin encore un problème informatique. Mais non, tiens, pas du tout. Bon, bah, je ne sais plus du tout où on est parce que j'ai un problème de casque, les enfants. Sandro va aller prendre le relais dans un instant. Oula, la suite du son Explore, c'est ce qui arrive. Tu t'emballes. On n'a plus rien. On est voilà, c'est ça, on n'a plus rien. Plus d'informatique, c'est bien plus ce que rien. Je disais. Bon, chante bien, une chanson. Il y a ma voix qui passe encore, ça c'est une bonne nouvelle. Tiens, je vais réveiller ceux qui sont là avec nous ce matin. Bonjour Isa, bonjour à Maxime de Bruxelles, il est 7h. Fun Radio. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Bienvenue tout le monde sur Fun Radio, restez bien là dans moins de 10 minutes, on essaiera de vous donner l'adresse du petit-déj gratos si tout va bien. Ce matin on est du côté de Liège, mais avant ça, les infos, la météo, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Omar Matin, l'auteur du massacre qui a fait 50 victimes dans un club gay d'Orlando, le pire attentat aux États-Unis depuis le 11 septembre, aurait appelé les secours américains avant de passer à l'acte pour annoncer qu'il prêtait allégeance aux djihadistes de l'État islamique, selon plusieurs médias. Avant les faits, il aurait été interrogé à plusieurs reprises par la police fédérale, mais sans suite. 50 personnes sont mortes et 53 autres blessées durant cette fusillade, qualifiée par le président Barack Obama d'acte de terreur et de haine. Lourdement armé, Omar Matin a d'abord pris des otages vers 2h du matin dimanche avant d'être tué 3h plus tard dans un échange de tirs avec les forces d'élite. Une personne était légèrement blessée à la suite de l'explosion due au gaz qui a ravagé un night shop et une friterie cette nuit à Fontaine-l'Évêque. Les dégâts matériels sont importants. Les deux commerces de la rue du Pétrier à Fontaine-l'Évêque ont été soufflés par cette explosion due au gaz vers 4h15 ce matin. Le night shop et la friterie ont été complètement dévastés. De nombreux débris ont été projetés dans la rue. Les pompiers de Charleroi sont descendus sur place. Un locataire habitant un appartement au-dessus du snack avait déjà pu être évacué. Il est légèrement blessé et intoxiqué. Un périmètre de sécurité a été instauré. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes de cette explosion. Nouvelle semaine sociale en vue, des actions de contestation sont à prévoir contre les mesures d'économie du gouvernement. Le début des grèves tournantes dans les services publics est prévu à Liège, où toutes les administrations communales seront touchées par ces mouvements de grève à des degrés divers. Après Liège, la grève tournante s'installera successivement dans différentes provinces, à commencer par celle de Luxembourg demain, ensuite du côté de Namur et du Brabant Wallon mercredi, et pour finir dans le Hainaut lundi prochain. Du côté de la Poste, le mouvement de grève est total. La distribution du courrier et des journaux sera impactée aujourd'hui, mais également demain. En sport, le Britannique Chris Froome a remporté la 68e édition du Critérium du Dauphiné cycliste. Froome décroche son troisième succès dans le Dauphiné après 2013 et 2015, les deux années qu'il avait vu ensuite remporter le Tour de France. Voilà ses adversaires prévenus juste avant la grande boucle. Le Britannique Lewis Hamilton a quant à lui remporté hier pour la 5e fois de sa carrière le Grand Prix du Canada de Formule 1. Il a devancé de 7 secondes l'Allemand Sébastien Vettel et de 46 secondes le Finlandais Valtteri Bottas, 3e, qui offre ainsi à Williams son premier podium de la saison. Fun Radio soutient les Diables. 16 ans après leur dernier match dans un championnat d'Europe, les Diables Rouges retrouveront enfin la pelouse d'un euro ce soir avec un premier adversaire de taille, l'Italie. Les vice-champions d'Europe en titre, donc très peu réussi aux Diables Rouges qui n'ont remporté que 4 de leurs 21 confrontations entre les deux pays. Le dernier succès belge remonte au 13 novembre dernier lors d'un match amical. Les Belges l'avaient alors remporté sur le score de 3-1. Le contexte est évidemment cette fois différent et avant d'affronter l'Irlande et la Suède, la plupart des observateurs estiment qu'un partage serait déjà un très bon résultat. Le match entre les supporters a débuté dans la bonne humeur à Lyon avec des images qui inondent les réseaux sociaux et qui font plaisir à voir. Fun. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be. La météo pour ce lundi, Jean-François. Le ciel sera toujours nuageux, quelques averses, voire des orages sont à craindre. Côté température, ce sera entre 14 et 18 degrés, ce qui organise donc des écrans géants en plein air ce soir pour le match des Diables Rouges contre l'Italie. Croise les doigts, mais il risque malheureusement de pleuvoir dans certaines régions. Et puis de demain à vendredi, le temps va rester assez similaire. La pluie devrait peu à peu s'effacer en milieu de semaine. Le prochain rendez-vous de l'info à 7h30 et tout de suite, c'est Calvin Harris sur Fun Radio. Fun Radio. Panos présente les feux du four. Oh, ça tourne, hein, Donut. Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Merci d'écouter Fun Radio, nous sommes lundi aujourd'hui, le 13 juin, on aura à vous faire gagner tout à l'heure votre hoverboard de chez Urban Wheels. On va d'abord chanter pour bien sortir du lit, allons-y. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, de 6h à 9h, le monde des colères. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, et ça fait trop du bien, avant le boulot. Evan et la tribu, ça sonne faux, hein. Ah ben, c'est mieux. Casserole. Oui, cette équipe de bras cassés et à jeun, contrairement à ce qu'on pourrait croire en entendant leur chant sur le générique de l'émission. Justine est là, elle, on l'a pas entendue, donc elle est toute sage. Oui, bonjour, moi, Justine. Je ferme ma gueule, c'est tout, voilà. On a compris pourquoi tu chantes pas, en fait. D'accord. On fait du reggaeton là, meuf. Dans un état, ouais, la bon, pauvre. Bref. Oh, à tout moment, on peut la perdre. Hein. Sœur Khalid du Jambon est là, bonjour. Salut Evan, salut tout le monde. On sent quand même la fatigue de fin de saison. Hein. Jean-François est là, l'info, la météo, l'info, trafic. Bonjour Jean-François. Bonjour Evan. Sandro, le petit, est là, bonjour le petit. Bonjour. L'ordinateur, on le salue. Bonjour à toi, le Dell, qui nous fait plein de petites merdes depuis vendredi. Il commence à nous péter les rouleaux. Et puis Yolande, qui est du côté du standard. Bonjour Mayo, bonjour Madoudou. Est-ce Hello. Que ça va mieux? Ça va un peu mieux. Un petit peu mieux, des petits soucis de santé. Mais c'est ça de manger du hérisson sans enlever la peau, hein, ça, ça passe pas du tout. Hein. Elle croit que c'était des litchis, la meuf. C'est une aventurière. Bon, on vous offrira dans un instant votre hoverboard de chez Urban Wheels. Ça sera aux alentours de 7h20. Je vais tout vous expliquer dans quelques minutes. Et puis il y a des prénoms à fêter aujourd'hui, Justine. Les Antoine et les Anthony. On salue Mike également qui se réveille du côté de la région liégeoise. Et puis il y a Jérôme aussi qui est avec nous du côté de Mons. Ce soir, les Diables vont jouer. On fera le jeu des pronostics tout à l'heure. Et puis pour le son Dance Floor, qu'est-ce que tu nous as calé, Sandro, pour la suite, mon doudou? Du sac Noël avec Trompette. Ah bah oui, très bien. Avec Sean Paul, hein. Ils sont tous les deux, Zach Noël et Sean Paul sur Fun Radio. Il y aura également le dernier morceau de Martin Solveig qui va débarquer. Alors Sandro, on nous a envoyé, c'est Cindy qui nous a envoyé une chanson en soutien au Diable ce soir pour le match, hein, qui commencera à partir de 21h. Et je lui demandais, une fois qu'on va écouter le morceau, est-ce que c'est la chanson officielle de la Belgique ou pas? Parce que vraiment, j'ai reçu ça, mais tiens, c'est pour toi Evan, pour le match de ce soir. On va écouter le morceau et puis vous me direz après si vous aimez bien, on va écouter une minute de morceau et surtout si c'est l'hymne officiel, allons-y. Tous derrière les Diables. Jean-François, est-ce que c'est la chanson officielle des Diables, ça? Bon, y en a mille des chansons officielles des Diables, mais je trouve qu'il n'y en a pas vraiment qui sont ressorties cette année. Parce que c'est vrai que le grand Jojo ressort celle du mondial tous les 4 ans, mais ici, comme il y a 16 ans qu'on n'y a plus participé, ben voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de chansons pour l'Euro. Alors je sais pas d'où vient ce morceau, hein. C'est Cindy qui m'a envoyé ça par mail hier soir sur mon mail evan@funradio.be et je trouvais que le morceau est assez sympa, assez festif, etc. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table, Justine, Khalid? Bah ça va, ça se laisse écouter, mais disons que c'est pas assez fédérateur à mon goût, hein. C'est mon avis personnel. Hein. Ouais, ça, je pense que c'est difficile que ça rentre en tête en fait. La la la la la la la la la. Je trouve que c'est quand même un petit côté très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, SMS 3044. Je vous lis dans un instant juste après le petit déj gratos. Petit déj gratos sur Fun Radio. On a Charlie qui est avec nous ce matin. Bonjour Charlie. Oui, bonjour, ça va? Bonjour, bah nous on est en pleine forme. On se prépare pour le match de ce soir. Un petit pronostic, Charlie, pour le match de ce soir? Moi aussi. 2-0. 2-0 pour? Pour qui? Les Belges, évidemment. Sans blague. Bien évidemment, pour les Diables. Charlie, on est où ce matin pour le petit déj gratos? Quel est le nom de ta boulangerie? On est à la boulangerie chez Charlie. C'est d'accord. Au quartier Meuse, à Liège, tout le monde connaît. Et c'est la rue Adolphe Bornier, okay. Au 44. Donc on est à Liège ce matin. Et on offre deux viennoiseries à chaque personne qui se présente au magasin avec le code Fun Radio. Le code. Ça c'est la classe. Ouais. Ça. Ils doivent taper un code. Non mais c'est voilà, vous allez directement voir Charlie de la part de Fun Radio, comme on le fait tous les matins depuis maintenant quasi 2 ans. Hein. Le petit déj gratos, on en a servi franchement des milliers grâce aux artisans boulangers. Faut vraiment le signaler, c'est grâce à vous tous qui avez participé à cette tous les matins. Si vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse, si vous l'avez pas bien entendu, elle est dans un instant sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. Merci Charlie pour le petit déj gratos. Je te fais des bisous. De rien. Et à ce soir pour le 2-0 avec les Diables contre l'Italie, 7h15 sur Fun Radio. On va se faire le son de Zach Noël et de Sean Paul. Et puis on reviendra dans un instant pour parler évidemment de ce match de ce soir qui commencera à partir de 21h, où toute l'équipe sera un petit peu partout disséminée dans le pays pour suivre ça à des endroits différents. On est bien fédérateurs ce matin. Allez, le son d'Ensoir de Fun Radio, il est là. Spin round me girl and gimme the top wine girl and gimme the body look fine girl gimme the coming out waste some time girl gimme the body look good girl you ever be winning it turn it up right girl you never be dimming it take up your body cause you're in your element funny body me take up a permanent residence rotate your body come in over you're spinning it rotate your body come in over you're spinning it rotate your body come in over you're spinning it make the trumpets blow. Sing it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckler, the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know where she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. We'll be right back. Il est 7h18 sur Fun Radio, on est là taré comme jamais avec vous toutes, vous tous. Le son de Martin Solveig dans un instant. Et nous allons jouer avec nos copains de chez Urban Wheels maintenant, puisque vendredi on avait organisé le jeu, mais malheureusement suite à un problème de SMS, ça a foiré, on n'a pas pu faire le jeu. Donc on l'a reporté à aujourd'hui lundi. Donc cet overboard, il vaut quasi 400 €, il est offert par Urban Wheels. Et vous allez pouvoir évidemment vous la péter avec, parce que c'est à la mode, tout le monde en veut en ce moment. Alors Justine, toi t'as déjà essayé l'overboard ou pas? Oui. Oui, t'es parce que Lloyd et Sandro en ont un et j'ai essayé. Franchement, au départ, c'est pas facile, mais bon, après, tu restes 10 minutes dessus, tu t'y fais et puis c'est super cool. On prend le coup très rapidement. Oui. Alors, je vais vous donner le code FUN, donc qu'il va falloir utiliser. C'est tout simplement FUN devant votre message. Voilà le principe du jeu. Vous allez pouvoir vous inscrire par SMS. Si vous êtes rappelé à 7h29 précisément et que vous décrochez, vous allez pouvoir tenter de rafler cet overboard. Alors attention, l'inscription, elle va durer pile poil 10 minutes. Vous envoyez FUN suivi de vos coordonnées complètes, tout ça par SMS au 63 22. Si à 7h29 je fais sonner chez vous et que vous décrochez, c'est gagné. Alors attention Justine, c'est toi qui va donner le top départ pour l'inscription. C'est parti. 3, 2, 1, top à vous. C'est parti. Martin Solveig arrive et 10 minutes maintenant pour vous inscrire pour essayer de rafler l'overboard de chez Urban Wheels sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, c'est Evan, c'est la tribu. Partez vous éclater à deux du 25 juin au 2 juillet avec toute la team d'Evan et la tribu et de l'Happy Hour au club Bellambra Sélection, Seignos Osgore les Tuquets en France grâce à Fun Radio. Likez dès maintenant la page Facebook de Fun Radio. Partagez le post du club Bellambra Sélection et laissez un commentaire avec le nom de la personne Facebook qui ira faire la teuf avec vous en France. Vos vacances en club Bellambra Sélection du 25 juin au 2 juillet, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son d'Enflore. C'est moi, Hip. Le Diable Rouge joue contre l'Italie. Mamma mia! Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 €, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM! 10% sur vos prochains achats. 10%! Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Le vendredi 24 juin, les Coca-Cola Summer Movies sont de retour. Durant toute la journée, venez profiter entre amis des meilleurs films de l'été, de surprises et de 4 avant-premières exclusives avec notamment Nos Pires Voisins 2 et Ninja Turtles 2. Vendredi 24 juin, le Coca-Cola Summer Movies dans un cinéma près de chez vous. Pour vous secouer dès le matin, yeah. Evan et la tribu, 6h, 9h sur Fun Radio. Let's get together.

90% des oiseaux sont monogames. C'est vrai, hein? J'ai vécu 5 ans avec un canard. Très très jolie petite fesse. Evan et la tribu sur Fun Radio. Les vraies infos sont dans les jingles. Le reste, c'est de la déconne. Ouais, et j'aimerais qu'on ne révèle pas trop ma vie privée, hein, avec les animaux, s'il vous plaît, dans cette émission. 7h29, top, vous arrêtez de vous inscrire en envoyant FUN, F-U-N, par SMS au 6322, puisque c'est l'heure d'appeler l'un ou l'une d'entre vous qui s'est inscrit pour la grande finale de l'Overboard avec Urban Wheels. Avant d'écouter Imani, faites sonner au standard. Si vous décrochez, c'est gagné. C'est une simple inscription que je vous ai proposée là ce matin. Et attention, il y aura peut-être une autre chance pour vous, à tout moment, d'essayer de repartir avec votre Overboard de chez Urban Wheels. On parlera d'une vidéo dans quelques instants qu'a trouvé Justine en rapport avec le football. Visiblement une vidéo bien drôle. C'est ça, hein, Justine? Oui. Et c'est exactement ça. Bien spoilé. Oui. Du coup, on avait prévu un jeu de l'actu, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire, hein, les doudous. On peut pas tout faire. Et dans tu cette me dis émission. Ça quand c'est je impossible. Viens de finir de le préparer. Merci beaucoup. Ben oui, mais ma maman, vous me sollicitez pour une vidéo. Après, je regarde le planning qu'on a. Vu le planning qu'on a ce matin, on peut pas tout mettre. Ou alors, faut supprimer les chansons, faut supprimer les infos. Si on supprime les infos, c'est bon. Alors, est-ce que ça veut bien sonner ou est-ce qu'il faut attendre demain? Je pose la question parce que j'arrive pas à avoir de sonnerie dans le téléphone. Ben voilà. Pourquoi tout est compliqué? Bonjour, vous avez pourquoi essayé d'appeler Goffin, elle n'est pas là pour le moment, veuillez la rappeler plus tard. Merci, au revoir. Mais ça, c'est ballot. Bonjour à toi, c'est Evan, c'est la tribu. Je t'appelais pour te faire remporter ton overboard. Malheureusement, tu n'as pas décroché, ça veut dire que c'est... perdu. Justine, qu'est-ce qu'on fait? On fait une remise à zéro ou alors on laisse continuer l'inscription encore un petit peu pour tous ceux, toutes celles qui viennent de nous rejoindre à l'instant? Moi j'aimerais... C'est toi qui décides, ma doudou. J'aimerais laisser la chance à quelqu'un d'autre, effectivement. Ok, et eh ben on va rappeler dans 10 minutes. Je vous laisse 10 minutes supplémentaires pour vous inscrire. Écoutez comment ça se passe. Vous envoyez le code FUN suivi de toutes vos coordonnées au 6322. Et Imani arrive dans un instant sur Fun Radio. Bonne chance à vous. FUN Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Dans moins de 15 minutes, c'est Fabien Feillèche qui débarque sur Fun Radio. En attendant 7h31, on fait un tour de l'actu avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Une personne a été légèrement blessée à la suite d'une explosion due au gaz qui a ravagé un night shop et une friterie cette nuit. Les deux commerces situés à la rue du Pétria à Fontaine-l'Évêque, non loin de Charleroi, ont été soufflés par une explosion due au gaz vers 4h15 ce matin. Les dégâts matériels sont importants avec de nombreux débris qui ont été projetés dans la rue. Les pompiers de Charleroi sont descendus sur place. Un locataire habitant un appartement au-dessus du snack a déjà pu être évacué. Il était légèrement blessé et intoxiqué par les fumées. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes exactes de cette explosion. Sur base des calculs de la Fédération de l'industrie automobile, la voiture n'a jamais autant rapporté à l'État. La voiture a rapporté un peu plus de 16,5 milliards d'euros à l'État et aux régions en 2015. Les accises n'ont jamais été aussi rentables, notamment celles sur les carburants qui ont permis à l'État belge d'engranger 181 millions de plus qu'en 2014, tandis que la TVA a un peu moins rapporté. Les amendes de roulage ont été un peu moins juteuses également l'année dernière. Enfin, l'État a pu empocher 35 millions supplémentaires en 2015 grâce aux nouvelles plaques minéralogiques auxquelles il faut ajouter un peu plus de 4 millions pour les plaques personnalisées. Nouvelle semaine sociale en vue, des actions de contestation sont à prévoir contre les mesures d'économie du gouvernement. Le début des grèves tournantes dans le service public est prévu à Liège, où toutes les administrations communales seront touchées par ces mouvements de grève. Après Liège, la grève tournante s'installera successivement dans différentes provinces, à commencer par celle de Luxembourg demain, ensuite du côté de Namur et du Brabant-Wallon mercredi, et pour finir dans le Hainaut lundi prochain. Du côté de la Poste, le mouvement de grève est total. La distribution du courrier et des journaux sera un impacté aussi bien aujourd'hui, mais également demain. Les autorités de Los Angeles tentent de déterminer les motivations d'un homme arrêté tout près de Los Angeles avec un arsenal dans sa voiture et qui prévoyait d'aller à la Gay Pride ce week-end. Cette arrestation survient le jour même où l'attentat d'Orlando, le pire attentat depuis le 11 septembre avec 50 victimes et 53 blessés, a visé une boîte de nuit emblématique de la communauté homosexuelle en Floride. Les représentants de la police ont toutefois précisé ultérieurement qu'ils étaient encore en train de tenter d'élucider ses intentions. Le jeune homme de 20 ans aurait juste indiqué aux forces de l'ordre avoir l'intention d'assister à la Gay Pride sans avoir formulé l'idée de commettre une attaque. Fun Radio, à l'heure de l'Euro. Les favoris ont déjà confirmé leur rang ce début d'Euro. Après la victoire de la France 2-1 dans le match d'ouverture contre la Roumanie, l'Allemagne, championne du monde en titre, a remporté hier soir son premier match face à l'Ukraine sur le score de 2-0. La Pologne, la Croatie, le Pays de Galles et la Suisse ont aussi réussi leur examen d'entrée, tandis que l'Angleterre et la Russie ont dû se contenter d'un partage. Les Anglais et les Russes, qui sont déjà sous le coup d'une menace d'exclusion de l'Euro en cas de nouveau débordement de leurs supporters, qui se sont affrontés assez lourdement samedi à Marseille. L'Espagne

Il est 7h38 sur Fun Radio. Fabien Feyège va arriver dans moins de 10 minutes. Et puis une vidéo qu'a trouvée Justine ce matin, on va la partager avec vous parce que ça l'a bien fait marrer. Moi, je ne l'ai pas vue la vidéo, hein, donc je vais la découvrir en même temps que vous. Juju. Ouais, en fait, il s'agit. Donc ça s'est passé pendant le match hier, Allemagne-Ukraine. En fait, Khalid et moi, on avait remarqué le truc à la télé. Et c'est l'entraîneur, donc c'est Joachim Löw, c'est ouais. ça ouais. En fait, il a pour habitude d'être un peu sale comme réputation pendant les matchs parce que pendant la Coupe du Monde 2014, on l'avait vu manger ses crottes de nez pendant le match. Oh. Et puis, hier, on voit, il met sa main dans son slip, devant. Non. Et puis après, ouais. derrière, genre 10 minutes plus tard. Et quand ouais. il sort sa main, en fait, il chipote dans ses doigts et puis il sent comme ça. Il renifle ce qu'il a été mettre dans son paquet, quoi. Oh, et c'est genre dégueulasse. Et donc, du coup, il a une réputation maintenant dégueu auprès de tout le monde dans le monde entier parce qu'il fait ça devant les caméras. Oh là là. Et c'est surtout qu'après, il serre la main aux arbitres pour. Ah oui, voilà. Merci les gars. Bon, on peut faire péter la vidéo sur le Facebook de l'émission Evan ouais. Tribu. Bien allez, évidemment. Let's go, vous allez pouvoir partager cette vidéo sur l'entraîneur Cracra. Dans un instant, des euros sur Fun Radio. Le jeu de l'actu. Le jeu de l'actu proposé par Sœur Khalid du Jambon ce matin. Il va falloir découvrir des infos insolites, souvent drôles, marrantes, que Sœur Khalid du Jambon a trouvées. À chaque fois, on a 20 secondes. Joue autour de la table Yolande, Justine, Jean-François et moi-même. Top pour la première actu. Alors, direction l'Inde, où la marque LG s'apprête à commercialiser des téléviseurs équipés d'un système très spécial. De quoi s'agit-il à votre avis ? Top, c'est parti, 20 secondes. Yolande. Oui. Est-ce que ça lâche du parfum pendant les films Bollywood ? Pas du tout, mais t'es pas loin. Ah ! Evan, c'est des télé climatisées. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Aucune utilité. Jeff, c'est des télés où on peut réchauffer les pizzas pendant les matchs. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est stylé, ça. Pas du tout. Dès qu'on parle de bouffe, tu regardes la télé, et pendant ce temps-là, la pizza elle chauffe au-dessus de ta télé, donc tu ne perds pas visuellement, tu vois, le fait d'aller par exemple mettre ta pizza dans le micro-ondes. C'est une bonne idée, Jeff, je trouve ça. Il faut déposer ça. Mais oui, la télé qui réchauffe la pizza. Bon, c'était quoi du coup ? Eh bien, ce sont des téléviseurs LG équipés d'une fonction anti-moustique. Ah, c'est mal. C'est bien aussi ça. En fait, c'est une fonction qui permet de chasser les moustiques via un système d'ultrasons. Ça les chasse. Ça coûte entre ouais. 350 et 625 euros, mais c'est pour l'instant commercialisé uniquement en Inde. Donc, est-ce que ouais, ça va venir jusqu'ici, mystère. J'espère. C'est blindé, hein, les moustiques en Inde. Donc pour cette info, merci. Personne n'a gagné autour de la table. Voici la deuxième actu. Et direction le Michigan, aéroport de Traverse City, où l'équipe de sécurité a instauré un système bien pratique pour chasser les oiseaux présents sur les pistes d'atterrissage qui sont très dangereux pour les avions. De quoi s'agit-il à votre avis ? Evan, top, ils ont mis des diabolicas. Enfin, ils souffrent dans des diabolicas. Après, t'as une tête comme un seau. Mauvaise réponse, pas ça du tout. C'est quoi les bonos qu'on met dans les champs, c'est Yolande. Les épouvantails. Oui, ils ont mis ça ? Pas du tout. Oh, ça aurait été facile. Ils ont mis un Yolande, en fait. Voilà. Ils ont engagé un DJ pour mettre de la musique. Et c'est la mauvaise réponse. Oh, il fait chier quand il fait ça. Bon, perdu. Les 20 secondes sont passées. On est vraiment nuls ce matin. C'était quoi la bonne réponse ? Depuis 2 ans, ils ont engagé Piper, qui est en fait un chien dont le boulot est de chasser les oiseaux, et technique beaucoup plus efficace que la précédente, qui consistait à leur faire peur en tirant des coups de feu depuis un pick-up. Donc c'est quand même plus pratique qu'un chien qui est moins dangereux quand même. Donc apparemment ça marche très bien. Et il y a la vidéo, je la posterai tout à l'heure. Il est avec un masque, une espèce de lunette pour se protéger les yeux. Il va et chasse les oiseaux. C'est génial quand même, c'est une bonne idée. Merci Médor. 7h42, on va faire jouer les auditeurs maintenant avec la dernière actu. Allez, c'est parti. Et là, on prend la direction du Japon. Une entreprise japonaise prévoit de commercialiser quelque chose, mais vraiment d'incroyable. Si vous connaissez l'info, vous jouez maintenant par SMS au 3044 et on verra si juste après le son de Deoro sur Fun Radio avec Bailar, quelqu'un ou l'un d'entre vous trouve donc cette bonne réponse à la suite du jeu de l'actu. Donc on est dans quel coin ce matin ? Au Japon, alors. Et je vais donner un indice tout de suite, ça se passe dans le ciel. Merci. Et Marc, ouais. T'as vu chez Deleuze ? Ils offrent un ballon gratuit. Oui, et même pas besoin de s'appeler Kevin pour le recevoir ce ballon. Ni Thibaut. Ni Axel. Ni Driss. Ni Romelu. Ni Marc. Bah, je plaisante. Mercredi 15 juin, dans votre Deleuze, un ballon de foot gratuit à l'achat de minimum 50 euros. Et c'est pour tout le monde. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. Le soir, vous offre un cadeau croustillant. Ce lundi 13 juin, recevez gratuitement le nouveau Nutella Be Ready. Le biscuit qui en fera craquer plus d'un. Votre biscuit gratuit, c'est ce lundi en librairie avec votre journal Le Soir. Le Soir, je lis, donc j'agis. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Du son dance floor et de la déconne pour vous secouer dès le matin. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Le vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila. Le son de la teuf, le son de l'été, même si c'est pas ce qu'on voit au-dessus de nos têtes au niveau météo. Deoro qui vient de passer à l'instant, pour ceux qui ne connaissent pas encore, voilà, c'est Deoro. Si vous voulez écouter le titre à nouveau, où que vous soyez, Rochelle dans quelques instants. Et on revient sur le jeu de l'actu sur Cahier du Jambon. Tu nous proposais une actu concernant le Japon ce matin. C'est une entreprise japonaise qui prévoit de commercialiser quelque chose d'incroyable début 2018 et ça se passe dans le ciel. Alors, vous avez joué par SMS au 3044. Quelle était la bonne réponse à cette question du jeu de l'actu, Khalid ? Eh bien, le Japon a décidé de commercialiser, mesdames et messieurs, des étoiles filantes à la demande. C'est fou. Sans ça. Sans déconner. C'est un truc de dingue. Comment ils font ? C'est ouf. Et donc, ils comptent lancer des capsules d'artifice depuis un satellite en orbite autour de la Terre. Ouais. Il y a plusieurs couleurs. Et donc, c'est, tu commandes, tu t'envoies, tu payes 8 200 €. Wow. Tu dis voilà, je voudrais une étoile filante à telle heure, à tel endroit et tel jour. Et voilà. Tu la rates. Et ils t'envoient. Tu éternue pendant qu'elle passe. Le truc, trop bien le passé. Zut alors. 8 000 € partis. 9 000. Hop, c'est parti. Il y a Karim. Karim de Virton qui a trouvé la bonne réponse ce matin par SMS au 3044 et qui va repartir avec un t-shirt de l'émission. Merci pour le jeu de l'actu sur Calais du Jambon. On va appeler maintenant quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite par SMS en envoyant FUN FUN au 6322 pour essayer de tenter de remporter son hoverboard de chez Urban Wheels. On le met en jeu à nouveau aujourd'hui parce que vendredi, voilà, on a eu un petit souci avec les SMS, la machine ne voulait pas. Donc on va faire sonner chez quelqu'un. Si ça décroche, vous serez donc en finale contre Julien de Fontaine-l'Évêque et contre Steve de Châteauroux. Charleroi. Il faut le mériter, cet overboard d'une valeur de 400 euros offert par Urban Wheels ce matin. Vous êtes inscrit depuis 7h19. Hein. Ça y est, allez bien au taquet ce matin au niveau des SMS. Coucou les petits coucous qu'on fait. Allô qui sont là. Oui, bonjour, quel est ton prénom? C'est Justine. Bah, Justine! Ah bah tiens, t'as trouvé tous les moyens pour jouer toi! Justine, tu habites à quel endroit? J'habite à Amsterdam. Alors Justine, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as décroché, c'est gagné, t'es sélectionnée pour la finale de tout à l'heure. On jouera ensemble. Oh, ouais, bravo! Super! Je te fais des gros bisous ma chérie. On se donne rendez-vous juste un peu avant 9h pour la finale où tu joueras contre Julien de Fontaine-l'Évêque et Steve de Charleroi. D'accord? Ok, super. Je t'embrasse. Merci très fort beaucoup. Bisous ma Justine. Rochelle arrive là dans un instant sur Fun Radio. 7h49, nous sommes lundi aujourd'hui. Bon réveil et bon courage à tous ceux qui travaillent déjà très tôt. Fabien fait yesh. Alors Fabien Feuillet ce matin, faut qu'on arrête de dire alors dans cette émission, c'est incroyable, faut qu'on mette un euro dans le nourrin à chaque fois qu'on va balancer dans le mot alors. C'est ce truc médiéval là. Mais vous n'avez aucune culture. Non. Hein. Mais non, non. Merci Jean-François. On n'a juste pas ton âge. Mais c'est quoi un nourrin? Vas-y Jeff. Non mais c'était un jeu célèbre hein. Et on nourin. Disait oui c'était bing bing ouais tirelire ouais c'est voilà c'est le synonyme de tirelire. J'ai rien compris. Non. Mais c'est bon, on laisse tomber. laisse tomber. Ils étaient ensemble de quoi? Je peux plus vous voir. De cochon pardi. Ah si, c'est un jeune porc. Je viens de regarder c'est sur ça. Un nourrin c'est un jeune porc. Oui c'est oui, un jeune allez. Porc. Bon Fabien Feuillet, chers amis, allez on y va, on enchaîne. Oui voilà, on a déjà très à la bourre. Non mais c'est vrai, 7h50 là, j'ai l'impression que la pendule passe trop vite. Donc Fabien Feuillet ce matin a trouvé sur le bon coin un mec qui vend un lit et il a pensé que c'était une possibilité pour lui d'aller dormir à l'hôtel, mais c'est pas le cas, écoutez. Fabien Feuillet. Oui, hello. Bonjour monsieur, je m'appelle Fabien Feuillet. J'appelle par rapport à l'annonce que j'ai vue sur le bon coin. Laquelle l'annonce? Parce que j'en ai eu plusieurs. Moi c'est celle pour le lit. Ouais, vous vouliez savoir quoi? Il est toujours dispo? Ouais, il est toujours dispo, ouais. Il a combien? 95 euros. Bon bah super. À ce prix-là, est-ce qu'il y a le petit-déj? Hein? Le quoi? Petit-déj? Ouais, est-ce qu'il y a le petit-déj à ce prix-là? 95 euros? Non, moi je vends un lit là. D'accord, donc 95 euros, c'est juste la nuit dans le lit. Non, moi je vends le lit. C'est tout. C'est bizarre comme hôtel. C'est pas un hôtel là, c'est une annonce pour un lit. Bizarre cette histoire. Ok, mais c'est bizarre, mais c'est comme ça. Oui, allô? Ouais, coucou, là, c'est encore Feuillet, là. Putain, c'est encore lui, là. Bon, c'est bon, donc j'ai réfléchi pour le lit, hein, c'est bon, hein, je viens dormir chez toi. Je te vends un lit, et tu prends le lit, et tu rentres chez toi, avec le oui, lit. Oui, je sais, je prends le lit, et je dors chez toi. C'est bon, c'est compris, pas de soucis, j'arrive. Non, mais tu m'as capté, là, ou pas? Mais t'es un peu cotorette, non? C'est une blague, je crois que j'ai son plan du monde. Oui, allô? J'ai vu que ma tata Jacotte, donc c'est bon, on viendra dormir. Non, mais je t'arrête tout de suite là, je te dis, le lit, tu l'achètes, tu le payes, tu le ramènes chez toi, tu dors chez toi avec le lit si tu veux, mais oui. Tu ne viens pas dormir chez moi. Bah oui, moi je préférais dormir chez toi. Oh ouais, putain, mais quel bourré. Ouais. Allô? Ouais, dis-moi, ça te dérange si je dors avec des chaussettes? C'est pas possible! Bon, écoute, j'ai compris. Je mets pas mes chaussettes, mais je dors chez toi. Non, tu dors avec tes chaussettes, mais tu dors chez toi. Et tu me fous la fête. Non, je dors chez toi. Non, tu dors chez toi. Mais je préfère dormir chez toi. Mais tu vas dormir chez toi! Ah, tata Jacotte, c'est bon, hein. Apparemment, on peut dormir chez lui. Écoutez toute la journée quand vous voulez. Fabien Feuillet sur soundcloud.com. En tapant dans le moteur de recherche Evanez la tribu. 6h-9h sur Fun Radio. Addict, le nouveau titre de Jepsar avec Liam Summers et Natel. Addict, le nouveau single de Jepsar, le son de l'été. Maintenant disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne et les services streaming. C'est moi, Hip, le Diable Rouge joue contre l'Italie, Mamma Mia! Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM! 10% sur vos prochains achats. 10%! Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Fun Radio. Dance Floor Music. Keep it locked.

Juste après les infos et la météo sur Fun Radio, il y aura le son de Zouf. Attention, on va dire Zouf parce que je me suis fait engueuler par Oli à la programmation musicale. Elle me dit ouais, tu dis pas correctement Zouf, on dit Souf. Et ben ce sera Souf dans un instant avec Mia Mort sur Fun Radio. Une info trafic, Khalid, qui vient d'arriver. Sur l'A40 Liège-Bruxelles, 30 minutes de retard à cause des ralentissements de Bouttersem jusqu'à Everlay. Prudence à vous, merci à toi Romain pour cette information. C'est l'heure de gagner du pognon sur Fun Radio. Y'a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Et nous entamons quasi notre troisième semaine à chercher ce qu'il y a dans la boîte et ce qu'a planqué notre camarade Khalid. Il y a combien dans la cagnotte aujourd'hui? On est à 100 euros dans la cagnotte. Alors on va rappeler quand même quelques indices, Justine, depuis le début de ce jeu, pour permettre à ceux qui nous prennent en cours de route d'essayer de jouer aussi et de remporter un virement de 100 euros sur leur compte. Bah, c'est bien simple, en fait, désormais on cherche le nom d'une boisson à base de lait qui contient en dessous de son couvercle un filtre fin en aluminium, un peu comme sur les pots de Nutella. Voilà, on cherche le nom de la boisson, on a déjà proposé Yop, Actimel et Aquarius, ce n'est pas ça. Oui, il y a beaucoup de boissons qui ont été proposées, même de l'Oasis également, c'est pas ça. Non. Le truc, Khalid, c'est que beaucoup vont essayer de jouer en cherchant une marque, alors que c'est peut-être pas la bonne réponse. Nous, on n'a pas, autour de la table, je le précise, moi, j'ai pas la réponse de ce qu'il y a dans la boîte. Donc, est-ce que tu peux nous donner, si possible, un indice supplémentaire? Oh là là, non, le seul indice que je peux vous donner, courage. C'est de bien ramer, voilà, ramer comme des cons non, maintenant. On a déjà, donc l'objet a été trouvé, donc c'est-à-dire que c'était le couvercle. Ensuite, on a dit que c'était à base de lait, c'est du lactose. Ouais. Donc c'est, on va dire, c'est du yogourt à boire. Ça, je pense qu'on peut pas faire mieux. D'accord. Donc ça, on s'arrête là. Ça peut pas être plus sinon, fort en termes d'indice. Ouais. Donc on cherche une marque et on va dire le fruit qui est présent dans cette boisson. Ah, ça n'existe qu'avec un seul fruit. Ça existe avec plusieurs, ça dépend. Non, dans cette marque-là, il y en a un million, mais je cherche dans... D'où le rapport avec l'indice fruit qu'on avait au voilà, tout début. Voilà, c'est ça. Ok, je vois pas du tout. SMS, pour jouer avec nous, vous envoyez Evan, EVN, suivi de votre proposition de réponse au 6322. Et l'un ou l'une d'entre vous est à l'antenne dans un instant en direct pour proposer sa solution, sa proposition pour 100 euros ce matin. Evan, suivi de votre proposition 6322, il est 8h. Salut Raymond! Fun Radio. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Dans moins de 10 minutes, on vous rappellera l'adresse du petit-déj gratos. On est du côté de Liège ce matin, mais d'abord 8h01, c'est l'heure pour nous de s'informer avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Une nouvelle semaine avec des actions sociales débute. Des actions de contestation sont à prévoir contre les mesures d'économie du gouvernement. Le début des grèves tournantes dans les services publics est prévu à Liège, où toutes les administrations communales seront touchées par des mouvements de grève aujourd'hui. Après Liège, la grève tournante s'installera successivement dans différentes provinces, à commencer par celle de Luxembourg demain, ensuite du côté de Namur et du Brabant-Wallon mercredi, et pour finir dans le Hainaut lundi prochain. Du côté de la Poste, la grève sera générale avec de fortes perturbations au niveau du courrier aujourd'hui, mais également demain. La CGSP et la CSC ont appelé à une grève de 24 heures. Les syndicats dénoncent notamment le manque chronique de personnel, qu'ils soient facteurs, chauffeurs, guichetiers ou autres. Les postiers ne sont plus en mesure de continuer à assurer un service de qualité à la population dans ces conditions, explique-t-on à la CSC. D'autres actions, l'absence de gestes forts et rapides de la part de la direction sont à craindre. Du coup, votre boîte à lettres risque bien de rester vide ce matin et même demain. Il faut aussi s'attendre à une perturbation au niveau de la distribution des journaux. Selon certains médias belges, nos services de sécurité possèdent des indications sur la possibilité d'une nouvelle attaque à Bruxelles pendant le Ramadan. Les agents de police et militaires ont été invités à être particulièrement vigilants autour des terrasses dans les écoles et les hôpitaux. À la demande de la police, les soldats en place dans la capitale depuis les attentats du 22 mars sont particulièrement vigilants. Il leur a été demandé de surveiller les terrasses et de même que les écoles et les hôpitaux. En effet, selon les dernières informations détenues par nos services de sécurité, il existe encore le risque d'une attaque à Bruxelles. En dépit de ces nouvelles craintes, le niveau de la menace terroriste n'est pas relevé de 3 à 4 au stade de menace sérieuse et imminente. Fun Radio soutient les Diables. 16 ans après leur dernier match dans un championnat d'Europe de football, les Diables Rouges retrouveront enfin l'Euro ce soir avec un premier adversaire de taille, l'Italie. Les vice-champions d'Europe en titre n'ont que très peu réussi aux Diables Rouges qui n'ont remporté que 4 des 21 confrontations entre les deux pays. Le dernier succès belge remonte au 13 novembre dernier lors d'un match amical où les Belges l'avaient emporté sur le score de 3-1. Le contexte est cette fois différent et avant d'affronter l'Irlande et la Suède, la plupart des observateurs estiment qu'un partage serait déjà un très bon résultat. Le match entre les supporters supporter a quant à lui débuté dans la très bonne humeur à Lyon, avec des images qui inondent déjà les réseaux sociaux et qui font plaisir à voir. Avec le match de ce soir, c'est évidemment l'effervescence un peu partout dans le pays, surtout dans les grandes villes, où la foule devrait se rassembler en nombre devant les écrans géants. À Bruxelles, à Liège, Namur et à Mons, la toute grosse foule est attendue, tout comme à Charleroi. Certains ont mis de gros moyens pour la diffusion des matchs des Diables Rouges et même pour l'ensemble de l'Euro. Ainsi, à Montigny-le-Tilleul, non loin de Charleroi, les organisateurs ont prévu deux formules en cas de mauvaises conditions climatiques, avec un écran à l'intérieur et un écran à l'extérieur. Il devrait en tout cas y avoir beaucoup d'ambiance aux quatre coins de la Belgique ce soir. Fun. Fun Radio. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be. Bon réveil tout le monde, bon réveil les doudous, c'est Evan, c'est la tribu jusqu'à un peu plus de 9h, le son de Zouf va arriver de Souf, putain j'arrive jamais à le dire correctement, il faut encore me faire engueuler. Souf, voilà, arrive dans un instant, d'abord la météo, Jean-François. Le ciel sera toujours nuageux et quelques averses, voire des orages sont encore à craindre, les maxima atteindront de 14 à 18 degrés. Pour les étrangers en plein air ce soir, il risque donc malheureusement de pleuvoir dans certaines régions. Faites comme papy Evan, restez dans votre fauteuil avec vos pantoufles. Depuis de demain à vendredi, le temps restera assez similaire, la pluie devrait un peu s'effacer en milieu de semaine. Fun Radio, alerte trafic. Comment ça se passe sur les routes, Jean-François? Plus de 300 km de bouchons cumulés ce matin, avec les plus importants sur le ring intérieur entre Haut-Ytre et Forêt. 16 km de bouchons et près de 2 heures de temps de parcours supplémentaire. Le début des travaux en Anderlecht n'y est sans doute pas étranger. De le rendez-vous, prochain rendez-vous des infos, c'est à 8h30 et tout de suite, c'est Souffle sur Fun Radio. Fun Radio. Panos présente les feux du four. Oh, ça tourne à donut. Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. Dans moins de 5 minutes, c'est petit déj gratos dans Evan et la tribu sur Fun Radio. Ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes, tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme, des erreurs j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi, et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille, et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie, tu as le plus beau des chats. C'est comme ça que je t'aime, mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Mais je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise, mais ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, j'étais ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi, et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille, et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie. Le plus beau des chats. T'entends là, c'est, tu me dis que ce n'est pas assez. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, mi amor. Qu'est-ce que ça fait du bien, le son de l'été ce matin sur Fun Radio entre ce lundi matin. Bonjour à vous, nous sommes le 13 juin, on est tous derrière les diables, c'est ce soir à 21h, allons-y. Et ben et la tribu, c'est sur Fun Radio, de 6h à 9h, tout le monde est des connards. Et ben et la tribu, c'est sur Fun Radio, et ça fait trop du bien, avant notre boulot. Je fais un énorme bisou à tous les enfants là qui nous écoutent dans la voiture. D'ailleurs, on va faire un petit coucou en speed si vous êtes dans la voiture avec les parents et que vous voulez que je cite des prénoms, un petit SMS au 3044 et je lirai dans un instant. C'est souvent à ce temps-là que les parents, les enfants sont dans la voiture direction l'école. Parfois, il y en a qui rentrent du boulot également. Ce sera le cas dans un instant. On verra avec Guillaume. Il y a toute l'équipe qui est autour de la table. Justine, Sœur Khalid du Jambon, Jean-François, Sandro et Yolande et tout le monde vous dit bonjour. Tous derrière les diables ce soir à 21h et pour le son Dance Floor avant 8h30, il y aura Madden sur Fun Radio. Et notre copain Maître Gims. Petit déj gratos sur Fun Radio. On est où ce matin, Justine, pour le petit-déj gratos? On est à Liège, vous allez rue Adolphe Borgnet au numéro 44. C'est la boulangerie Charlie et c'est justement Charlie qui vous attend pour vous offrir deux viennoiseries par personne. L'adresse est sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu, il est 8h11. Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors 100€ ce matin à rafler dans la boîte, un virement qui tombera directement sur votre compte en banque si vous trouvez ce qu'il y a dans la boîte de Sœur Khalid du Jambon. Ça fait donc maintenant la troisième semaine que nous entamons. On va rappeler Justine ce que sont les éléments principaux de l'objet qu'il y a dans la boîte. Eh bien c'est une bouteille d'une boisson à base de lait qui contient un fin film en aluminium, donc un peu comme les pots de Nutella. Et donc l'indice qu'avait donné Sœur Khalid du Jambon tout à l'heure, juste avant la pause, c'était quoi? Fruit. Tout simplement, il y a du fruit dedans. Guillaume, 24 ans, est avec nous, il est infirmier. Salut Guillaume. Bonjour Evan, bonjour Dibu. Guillaume, toi tu rentres du boulot hein, et donc tu es dans les bouchons actuellement? Oui, pour faire un inforoute rapide, t'avances pas les mains. Bon, courage à toi en tout cas mon Guillaume, ça veut dire que tu vas te coucher dans la matinée là, tu travailles de nuit, c'est ça? Ouais, je travaille de nuit, je vais bientôt, quand ça avancera, je serai dans mon lit bientôt. Voilà. Bon, ça va faire du bien peut-être de remporter 100€ ce matin, c'est ce qu'il y a dans la cagnotte si tu trouves ce qu'il y a dans la boîte. Quelle est ta proposition, Guillaume, pour 100€ ce matin? J'avais pensé à une boisson que je bois très souvent, c'est du Danop banane. Du quoi, pardon? C'est du Danop à la banane. Ah oui. C'est un yaourt top yop, mais c'est du Danop. Ah, du Danop à la banane. Sœur Khalid du Jambon, pour 100€ ce matin, est-ce que c'est cet objet qu'il y a dans la boîte? Guillaume, je suis vraiment désolé pour toi que tu n'aies pas cette boisson avec toi dans ta voiture, puisque c'est la bonne réponse! Ouais yeah yeah. C'est Evan qui l'a gagné, tu vois. Sans déconner. Mais je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. C'était ça, bravo. Mais attends, tous les indices, je ne peux plus donner d'indices. C'était plus possible. Alors, rappelle ce qu'il y avait donc dans la boîte. Est-ce que tu as planqué hein, pour tous les autres qui viennent d'entendre à l'instant la victoire de Guillaume? Il fallait donc dire quoi exactement? Eh bien, l'objet en question, c'était l'espèce de fine pellicule en aluminium qui est présent sur la bouteille de Danup Banane. Bravo, félicitations à toi, Guillaume. Guillaume, c'est 100€ que tu vas recevoir par virement dans quelques jours. Bravo à toi. Oui, tu voulais rajouter un truc, mon Biggie? C'est moi qui te remercie, puis... je difficilement. Dire bon courage pour tout le monde et bon courage pour le boulot à tout le monde, parce que moi, je suis fini, donc voilà. Tu finis avec en plus 100€, bravo à toi, je t'embrasse, bisous mon Guillaume. Voilà les 100€ qui ont été remportés par Guillaume ce matin grâce au qu'est-ce qu'il y a dans la boîte qui reviendra avant la fin de la saison. On fait des petits bisous à tous ceux qui sont en train de nous écouter dans la voiture là, les enfants, les parents, Gaël et Michel. Coucou Evan, on part à notre examen d'anglais, gros bisous, il y a Shannon et Célia. Et puis un gros bisou à ma princesse Célia pour démarrer cette semaine d'examen. Voici Madden sur Fun Radio. We met a summer night, and I held you tight in the golden light. And ever since that time, I've been burning bright, fire deep inside. Sur Fun Radio, il y a quelques instants, Guillaume, 24 ans, infirmier, a remporté 100 euros, car c'est lui qui a trouvé enfin en troisième semaine ce qu'il y avait dans la boîte de Khalid. Alors pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, Khalid, rappelle ce qu'était la bonne réponse de ce que tu avais planqué dans ta boîte. Bien, c'est la pellicule en aluminium qui est présente sur les bouteilles de Yop Banane. Bon, en tout cas, voilà, il fallait avoir cette réponse-là pour 100 euros et 100 euros. Il paraît qu'on fait la liaison, c'est vrai ou pas? On fait la liaison entre 100 euros 100 euros 100 euros. J'ai entendu 100 euros. En tout cas, pas 100 euros, ça c'est une grosse faute. Ça c'est clair. 100 euros gagnés pour Guillaume, infirmier. Je précise qu'il est infirmier voilà, dans le domaine du médical et non pas infirmier avec des bêtes, parce qu'il y a des gens qui me demandaient par SMS si c'était le cas. On fait des bisous et des coucous du matin. Bisous l'équipe. Les jumeaux Louis et Théo qui nous écoutent en ce moment dans la voiture. Salut Evan, bonjour la tribu, en route pour le boulot avec vous, toujours fidèle au poste, je vous adore. Caroline et Ruben qui sont dans la voiture en ce moment. Et puis Jérémy nous dit, eh bien il doit être frais le Danup Banane qui était dans la boîte de Khalid après 3 semaines qui n'était pas au frigo. C'est pour ça que tu l'as proposé à Yolande, hein, c'est qu'elle le déguste avec ce et truc voilà pas comment très frais je suis tombée maintenant. Malade. Exactement. C'est sympa, c'est du yaourt, c'est bon. Bon, il est 8h18 avant qu'on écoute le son de Maître Gims. J'aimerais qu'on parle un peu des courses ce matin. Alors jusqu'ici c'est banal, mais je me suis surpris à faire un truc débile hier matin. Et je voulais savoir si j'étais le seul à faire des trucs un peu cons lorsqu'on va faire des courses, les doudous. Alors hier, j'étais en train de, avec ma femme, de passer, vous savez, tous les articles achetés à la caisse. Et je me suis amusé, alors que j'avais pas regardé au moment où je les achetais, à essayer de savoir si j'allais trouver la note exacte du total de ce que j'avais acheté pendant les courses. J'ai trouvé ça totalement débile et en plus j'ai pas gagné parce que j'avais 84 euros de courses et moi j'ai trouvé 100 euros. C'est pour vous dire, une centaine d'euros. Alors est-ce que vous avez, vous, quand vous faites des courses, des trucs un peu débiles, des manies, des tocs, etc. Lorsque vous allez faire des courses. Si on va commencer avec toi, sœur Khalid du Jordan. Moi ça dépend, il y a des trucs. J'ai une sale manie, c'est de mettre des trucs dans ma poche sans les payer. Ça, c'est... Après, à chaque fois j'ai un gars de la sécu qui. Par ici, monsieur. Tu vois, espèce de pièce qui est vitrée. Enfin, tu vois, des, c'est, on va dire que c'est. Allez, comment on appelle ça? Des vitres sans teint. Des vitres sans teint. Oui. Et c'est là, à un moment donné, on te demande gentiment de tout remettre et puis de partir. Voilà. Je sais pas, et c'est un sale tic que j'ai. La queue entre les jambes. Ouais. Jean-François, tiens, quand tu fais les courses, toi, Doudou, bon, déjà, t'as déjà envie de tout dévaliser, mais est-ce que t'as des petits tics, des petites manies comme ça? Non, il y a absolument un rayon où j'oublie jamais de passer, c'est le rayon des bonbons. Parce que si je repars pas avec mon paquet de bonbons dans mon caddie, c'est la fin de ma vie. Sans déconner, ah, tu peux pas t'empêcher d'acheter un paquet de bonbons quand tu vas en course. Ah ouais, non, c'est impossible. Ouais. C'est, à mon avis, c'est un vrai toc. Ah. C'est, voilà, c'est... Et connaissant un petit peu Jean-François, il a que des bonbons à sucer, c'est bizarre. Justine, quand tu fais des courses, toi, est-ce que t'as des manies, des petits tocs, des choses comme ça? Moi, je t'en avais déjà parlé, je pense. J'essaye toujours de remettre la chaîne de mon caddie dans mon propre caddie. Mais il manque toujours un maillot, c'est impossible. Mais je sais pas m'empêcher d'essayer de le faire. Elle veut récupérer la pièce à tout prix. Je veux que ce soit gratuit. C'est ça. Vous savez qu'il y a un truc qu'il faut jamais faire, c'est aller faire les courses lorsqu'il est genre 11h45. C'est ce qui m'est arrivé hier. Je l'ai fait avant que le magasin ferme. Et du coup, dans chaque rayon, j'avais envie d'acheter un truc parce que j'avais faim et je m'étais levé tard, j'avais pas pris mon petit déj, du coup j'avais vraiment envie de dévaliser le magasin. Faut jamais y aller quand on a la dalle. Faut y aller genre, ouais voilà, faut y aller après un repas. Tiens, on va demander à tout le monde, là, vous tous, quelles sont vos manies lorsque vous allez faire les courses ou alors des trucs à la con que vous faites, hein. SMS 3044, je voulais en parler ce matin parce que je me suis observé, moi, en train de faire un truc débile hier, à essayer de trouver le juste prix de ce que j'avais acheté pour les courses. Truc débile. Voici Maître Gims avec Zoom Zoom sur Fun Radio. Et ton fils, blesse, m'as-tu dit, Ribéry, Benzema, oh, Pogba, Pogboum, what I we, what I know. Elle a jeté son cœur dans le fleuve, à part ses colliers, tu n'as plus rien à lui briser. Elle avance dans le noir, tout à coup le sol s'allume comme dans Billie Jean. Tout s'accélère, elle veut contrôler le monde, tu comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et rafler la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, passe du côté passager dans le Mercobenz. Elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, passe du côté passager dans le Mercobenz. Elle est bagadie, Zonda, Zou, Porsche Panamera, Zou, Bugatti Verona, Zou, Berlinetta, Zou, Bagani, Zonda, Zou, Porsche Panamera, Zou, Bugatti Verona, Zou, Berlinetta. Ça ira, ça ira. Ça ira pour ce soir, ça ira, ça ira, ça ira pour ce soir. Les compliments n'ont pas d'effet, mademoiselle a l'habitude qu'on lui parle en chiffres. Sentiment de ralentir, tu t'effraies peu à peu comme un morceau de chips. Donc elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Merco. Verona, Zou, Bugatti Verona, Zou.

Dans un instant sur Fun Radio, je vous dirai comment vous allez pouvoir remporter vos places pour aller du côté de chez Walibi. Oh, que ça va nous faire du bien, surtout pour découvrir la nouvelle attraction qu'il y a là-bas. Il est 8h39, nous parlons ce matin de vos manies, les manies que vous avez en course. Déborah est avec nous ce matin. Bonjour Déborah. Bonjour Evan, bonjour la tribu. Déborah Montoise, oh ta voix est toute faible, j'ai l'impression que t'as un problème avec ton GSM. Je pense pas que ça vienne de chez nous. Tu as passé un bon week-end ma doudou? Oui, ça a été, oui. Bon, Déborah, raconte-nous quelles sont tes manies, toi, lorsque tu vas faire des courses. Mais en fait, arrivé à la caisse, je croise les doigts pour espérer d'avoir assez de sous sur ma carte pour payer. Ah oui. Ah, vous avez eu ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la peur qu'une fois que tout est passé, la carte soit refusée, c'est ça? C'est ça, oui. Et ça t'est déjà arrivé? Une fois, oui, il y a un moment, c'est la gêne totale, quoi. Et comment t'as fait dans ces cas-là? Eh ben, il a fallu courpasser dans l'autre sens et puis diminuer les courses, quoi. Ah, c'est horrible. Donc les gens derrière sont pas très contents, en fait. Bah, j'imagine. Justine, ça t'est arrivé, toi? Ça m'est arrivé une fois et tu fais genre, punaise, je me suis trompée de carte, vous pouvez laisser mes courses de côté, je reviens, et tu reviens plus jamais. Ah, c'est horrible. Elle a déjà fait ça, le pauvre, je sais pas qui a dû ranger tes courses, mais c'était pas cool. Déborah, merci en tout cas d'avoir témoigné ce matin. Je te fais un énorme bisou, passe une belle journée. À bientôt. Également, continue-toi tout le monde. Bisous Déborah du côté de Mons ce matin qui nous écoute. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les témoignages? Coucou Evan, moi en course je cherche et je repère toutes les dégustations. Ça c'est pour bouffer à l'œil, ok. Faire de l'auto-tamponneuse avec les caddies. Ah, ouais. Ah moi j'aime bien déraper aussi, ça c'est bien. Tu conduis super vite, tu dérapes, etc. Et quand tes enfants ils font ça, tu les engueules. Alors parce que eux généralement ils font tomber un truc du rayon. Yolande, qu'est-ce que tu fais toi comme petite manie, tu vois, quand tu vas aux courses? C'est rien de dingue, mais automatiquement quand j'achète du pain, je mange au moins la première tranche, même si j'ai pas faim. À chaque fois, je me dis, mais pourquoi? C'est un truc que je fais depuis l'enfance. Donc, quand t'arrives chez toi, t'as plus de baguette et t'as plus faim, de toute façon, en gros. Hein. C'est un peu ça. À Bruxelles, il y a Jérôme qui nous dit, moi, c'est aller chercher les articles de derrière pour avoir la date de péremption la plus lointaine pour finir par manger cet article le jour même. Je suis un vrai mec bourré de toc. Merci Jérôme pour ton témoignage. D'autres SMS au 3044, 8h42. Dans un instant, Martin Garrix va arriver. Et puis on vous expliquera avec Justine comment vous allez pouvoir remporter vos entrées pour aller du côté de chez Walibi. Il y aura aussi la finale Overboard sur Fun Radio. Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Ah, Coralie, comment vont tes cheveux? Écoute, mal. Attends, Levi, t'as pas envie de prendre une fois Coralie dans une tes vidéos make-up pour la transformer, s'il te plaît? Mais dis! Attends, mais d'abord, moi j'ai envie de savoir pourquoi ses cheveux iraient mal. Bah, parce que regarde, on dirait Hagrid. Bah oui, t'as vu? Bah, ça change pas d'habitude. Non, tous les soirs, dès 20h, c'est libre antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun! Et Marc, ouais. T'as vu chez Deleuze? Ils offrent un ballon gratuit. Oui, et même pas besoin de s'appeler Kevin pour le recevoir ce ballon. Ni Thibaut. Ni Axel. Ni Driss. Ni Romelu. Ni Marc. Bah, je plaisante. Mercredi 15 juin, dans votre Deleuze, un ballon de foot gratuit à l'achat de minimum 50 euros. Et c'est pour tout le monde. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. Petit-déj gratos. Déconne et son dance floor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Flashback to the time in your life when you thought it would be easy. But it's hard when you take on the world alone. One shot that you fire at the sky, hoping someone else can see it. Just a sign that you're not out there on your own. Yeah. 8h46 sur Fun Radio, tous derrière les diables. Le match ce soir est à 21h et vos messages par SMS au 3044, je les lis ce matin avec quelqu'un qui me dit: bonjour Evan, ma manie d'écouter Fun toute la journée, je voudrais remercier Fun Radio car grâce à vous, eh bien, j'ai réussi ma vie amoureuse, j'ai eu la chance de récupérer mon ex grâce à Vince qui a chanté pour moi sur la musique de Drake et j'ai récupéré ma femme Adeline. Et ben, ça fait plaisir de lire ce type de message. Tu vois Justine, les gens se rabibochent grâce à Fun Radio. C'est beau. Nous allons vous offrir du big cadeau. Alors déjà on va voir la finale Overboard, ce sera Julien, Steve et Justine qui vont s'affronter dans quelques instants avant 9h. Et puis vous allez pouvoir partir vous éclater, alors là écoutez bien, avec vos Golden Pass ou vos entrées pour la nouvelle attraction à découvrir, Pulsar, c'est à Walibi. Ça a l'air de tout déchirer, moi j'ai pas eu la chance encore de l'essayer. Tu y es allée toi ou pas Justine, l'essayer cette attraction? Alors non, mais j'ai vu ce que c'était parce qu'ici chez Fun Radio il y a quelques personnes qui ont été tester l'attraction. En fait c'est un genre de bateau comme ça qui est sur donc une attraction, c'est 70 secondes, ça dure 3 allers-retours avec une vitesse quand même hyper rapide, c'est en crescendo. Et puis alors on glisse, on vole et on chute dans l'eau en fait. Donc on termine un petit peu mouillé, c'est ça? C'est ça, on termine complètement mouillé même, mais ça a l'air juste énorme. Alors vous allez pouvoir découvrir donc cette nouvelle attraction de Walibi qui s'appelle Pulsar en gagnant soit vos Golden Pass, soit vos entrées. Il va suffire de vous inscrire et si juste après les infos 9h j'appelle chez vous et que vous décrochez, c'est gagné. Comment jouer? Hyper simple, il suffit d'envoyer le code Walibi, W-A-L-I-B-I, par SMS au 6322. Bonne chance à vous, je fais sonner chez vous donc juste après les infos de 9h pour aller délirer en famille ou entre amis, direction Pulsar à Walibi, la nouvelle attraction qui a ouvert donc cette année. Le son de Kungs arrive dans un instant. Restez branchés sur Fun Radio toute la journée et repartez avec l'objet le plus stylé du moment, votre hoverboard d'Urban Wheels. Toute la semaine, écoutez la libre antenne de Vince de 20h à 23h et déplacez-vous sans effort et avec classe grâce à votre hoverboard d'Urban Wheels en m'envoyant Fun par SMS au 6322. Un nouveau message. Wouhou, c'est trop fun! Les cadeaux tendances les plus ouf, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. C'est moi, Yves, le Diable Rouge joue contre l'Italie, Mamma Mia! Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM! 10% sur vos prochains achats. 10%! 10%! Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Avoir une nouvelle sœur ou un nouveau frère venu du bout du monde pendant un an te tente? YFU Bruxelles Wallonie recherche des familles d'accueil pour des jeunes de 15 à 18 ans venant des quatre coins du monde. Tu pourras découvrir une nouvelle culture, t'ouvrir sur le monde, lui apprendre comment tu vis ici. Ouvrez-vous au monde. Make the world your home. Contacte sans plus tarder YFU Bruxelles Wallonie. Plus d'infos, www.yfu-belgique.be, 04 223 76 68. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Woo, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Yeah. Woo, I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get a world what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone, I just need to be at home. Understand what I'm speaking on, if time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping

8h55 sur Fun Radio, vous allez pouvoir partir vous éclater grâce à nous, grâce à Fun Radio, avec vos Golden Pass ou bien vos entrées direction Walibi pour découvrir leur nouvelle attraction qui s'appelle Pulsar. Pour ça, il suffit de vous inscrire, et si j'appelle chez vous dans 10 minutes et que vous décrochez, c'est gagné. Justine, vous envoyez le code Walibi par SMS au 6322 tout simplement. Et alors, je voulais juste rajouter un truc, et ça a été classé par le Los Angeles Times, donc le journal hyper connu, dans le top des 16 meilleures attractions du monde. Sans déconner, voilà, et elle est belge. Ouais, elle est belge, et alors c'est, bah, c'est unique au monde comme attraction, donc je vous conseille vraiment d'aller la tester. À découvrir, puisque ça a ouvert il y a quelques semaines à peine, inauguration, avec certains membres de Fun Radio qui ont participé à ça et qui ont même fait quelques petites vidéos. Chainsmoker, c'est ce qui arrive juste avant 9h. Nous allons faire la finale, grande finale, pour remporter un overboard qui est offert par Urban Wheels. On devait faire cette finale vendredi, malheureusement on a eu des petits soucis avec le système de SMS, mais là ça va beaucoup mieux. Nous avons, pour s'affronter maintenant, Julien qui est là de Fontaine-l'Évêque. Hello Julien. Oui, bonjour. Allô. Bonjour Julien. Steve de Charleroi est face à toi. Bonjour Steve. Bonjour Evan, bonjour la tribu. Et la dernière qui a été sélectionnée tout à l'heure, Justine. Bonjour Juju. Bonjour, bonjour tout le monde. Justine, j'ai pas précisé où tu habitais parce que en fait j'ai pas le détail, pour être très sincère. J'habite à Anne-sur-Eure, donc près de Charleroi. Julien contre Steve contre Justine, voici la finale, une finale qui va être très simple. Vous allez devoir me donner un résultat de réponse qu'il vous est impossible de trouver rapidement sur internet via Google. Écoutez bien, celui ou celle qui est le plus proche repart avec l'overboard offert par Urban Wheels. Je vais vous poser une question, les doudous, qui est très simple. Je vais vous demander, en année, combien de temps au total jusqu'à aujourd'hui j'ai travaillé pour la marque Fun Radio. Vous avez bien entendu, en année, vous pouvez rajouter le nombre de mois si vous le souhaitez. Hein. Combien de temps j'ai travaillé pour la marque Fun Radio au total? On va prendre par ordre de ceux qui sont inscrits. Julien de Fontaine-l'Évêque, vas-y, fais péter. Je veux dire 12 ans. Tu dis 12 ans, c'est ça? Oui. Ok. Steve? Moi, je dis 10 ans. Ok. Et Justine? T'as eu un bip avec ton clavier de GSM, c'est pour ça. Ah pardon. Ça m'a fait rire. Je vais dire 8 ans, voilà. Tu vas dire 8 ans. Bon, pas besoin de mettre en moins, quelqu'un a évidemment la bonne réponse. Est-ce 12 ans, 10 ans ou 8 ans? Je suis resté au total, depuis aujourd'hui, hein, j'ai fait le bon petit calcul, j'ai travaillé pour la marque Fun Radio 15 ans, 10 mois et 13 jours, et c'est Julien qui gagne. Ouais. Ah, il a klaxonné en plus. Bravo mon Julien, écoute ce que tu as remporté grâce à ta bonne réponse. Julien, tu repars avec ton overboard de chez Urban Wheels d'une valeur de 400€. Et félicitations à Steve et Justine qui ont été des candidats valeureux. Mais c'est toi qui es reparti, Julien, avec l'overboard. Tu pourras kiffer vraiment et te faire plaisir. On fait des gros bisous les doudous, à très vite, je vous embrasse très fort. Voici The Chainsmokers sur Fun Radio. I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. Merci de commencer la journée avec Fun Radio. C'est Evan, c'est la tribu. Dans un instant, j'aurai vos Golden Pass et vos entrées à vous faire gagner pour aller du côté de chez Walibi. C'est ce soir qu'il joue nos diables à partir de 21h. Mike Posner pour la suite du son. Il est 9h sur Fun Radio. Salut Raymond. Fun. Luminus soutient votre énergie pour les diables rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e diable. Luminus, à votre service. Il vous reste une heure pour aller chercher le petit déj gratos dans la région de Liège. Dans moins de 10 minutes, je vous redonnerai l'adresse. En attendant 9h01, on s'informe avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Fin mai, près de 3000 personnes issues d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie et d'Iran s'étaient inscrites comme demandeuses d'emploi au Forem. Un dispositif a dernièrement été mis en place en Wallonie pour aider les réfugiés provenant de pays en guerre. Le Forem, qui se rend dans les centres pour guider les réfugiés, distingue ceux dont le dossier administratif est complet ou presque complet, ceux qu'on appelle les intégrés, et ceux qui n'ont pas encore de documents administratifs valables, les non-intégrés. Les demandeurs d'emploi intégrés étaient fin mai au nombre de 802. Les demandeurs d'emploi non-intégrés des quatre mêmes nationalités étaient de 2177 à la fin du mois de mai. Les Irakiens sont les plus nombreux devant les Afghans, les Syriens et les Iraniens. Nouvelle semaine de grève en vue, des actions de contestation sont à prévoir contre les mesures d'économie du gouvernement. Le début des grèves tournantes dans les services publics est prévu à Liège aujourd'hui, où toutes les administrations communales sont touchées par ces mouvements. Après Liège, la grève tournante s'installera successivement dans différentes provinces, à commencer par celle de Luxembourg demain, ensuite du côté de Namur et du Brabant-Wallon mercredi, et pour finir dans le Hainaut lundi prochain. Du côté de la Poste, le mouvement de grève est total. La distribution du courrier et des journaux sera ainsi impactée aujourd'hui, mais également demain. Selon certains médias belges, nos services de sécurité possèdent des indications sur la possibilité d'une attaque à Bruxelles pendant le Ramadan. Les agents de police et militaires ont été invités à être particulièrement vigilants autour des terrasses, des écoles et des hôpitaux. Et puis dans le reste de l'actualité, une personne a été légèrement blessée à la suite de l'explosion due au gaz qui a ravagé un night shop et une friterie cette nuit. Les deux commerces de la rue du Pétria à Fontaine-l'Évêque, non loin de Charleroi, ont été soufflés par une explosion vers 4h15 ce matin. Un locataire habitant un appartement au-dessus du snack a légèrement été blessé et également intoxiqué par les fumées. Fun Radio soutient les Diables. 16 ans après leur dernier match dans un championnat d'Europe de football, les Diables Rouges retrouvent enfin l'Euro ce soir avec un premier adversaire de taille, l'Italie. Les vice-champions d'Europe en titre n'ont que très peu réussi aux Diables Rouges qui n'ont remporté que 4 des 21 confrontations entre nos deux pays. Le dernier succès belge remonte au 13 novembre dernier lors d'un match amical. Les Belges l'avaient emporté sur le score de 3-1. Le contexte est cette fois très différent. Et avant d'affronter l'Irlande et la Suède, la plupart des observateurs estiment qu'un partage serait déjà un très bon résultat. Le match entre les supporters a débuté dans la bonne humeur à Lyon, avec des images qui inondent les réseaux sociaux et qui font plaisir à voir. Avec le match de ce soir, c'est évidemment l'effervescence un peu partout dans le pays, surtout dans les grandes villes où la foule devrait se rassembler en nombre devant les écrans géants. À Bruxelles, à Liège, à Namur, à Mons, la toute grosse foule est attendue, tout comme à Charleroi. Certains ont mis de gros moyens pour la diffusion des matchs des Diables Rouges et même pour l'ensemble de l'Euro. À Montigny-le-Tilleul, non loin de Charleroi, les organisateurs ont même prévu deux formules en cas de mauvaises conditions climatiques, avec un écran de 25 mètres carrés à l'extérieur et un écran de 15 mètres carrés dans le complexe sportif situé à la rue Boisfrion. Il devrait en tout cas y avoir beaucoup d'ambiance aux quatre coins de la Belgique ce soir. Fun Radio. Fun. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be. La météo, Jean-François, pour ce lundi. Le ciel sera toujours nuageux. Quelques averses, voire des orages sont à craindre. Soyez donc vigilants si vous comptez aller sur les écrans extérieurs, parce que dans certaines régions, il va malheureusement pleuvoir. Et puis, côté des températures, c'est pas très folichon, avec 14 à 18 degrés, suivant les régions. Et puis, de demain à vendredi, le temps restera assez similaire. La pluie devrait un peu s'effacer en milieu de semaine. Prochain rendez-vous de l'info, c'est à midi avec Carlo. Et tout de suite, c'est le son Dancefloor qui est de retour sur Fun Radio avec Mike Posner. C'est

Et là, il y a Marie de Liège aussi qui me dit ça. Je fais la chasse aux produits 100% remboursés, même si 9 sur 10 sont dégueux. Mais du coup, j'ai l'impression de faire des économies. Est-ce qu'autour de la table, là, vous n'avez pas le sentiment des fois d'être vénère quand vous voulez un article et qu'il y a quelqu'un qui est juste avant vous, il va vous prendre le dernier sous les yeux. Vous savez, c'est le petit dernier que t'as dans le rayon, genre tu veux absolument, je sais pas, une peau de maillot que t'aimes bien, mais c'est le dernier qui a lieu. Il y a toujours quelqu'un, et souvent c'est une mamie qui fait ça, et t'as envie de lui dire, oh, si je la poussais légèrement, elle n'attraperait pas l'article et je pourrais la faire en premier. On n'habite pas dans un village, Evan. On vit quand même dans des endroits où il y a des supermarchés avec pas mal de stocks. Hein. Donc toi, tu vas à la supérette du coin. Je veux dire, ils ont un article en stock par produit. Hein. À nous, Anderlecht, par exemple, il y a des fois, chez Deleuze, il manque plein de produits. Alors, je sais pas ce qui se passe au niveau du ravitaillement, mais le Deleuze qui est juste à côté, le Basic Fig, pour ceux qui connaissent à Bruxelles, et bah, parfois, il manque un petit peu de tout ça. En tout cas, merci pour vos témoignages de ce matin. On en a eu plein par SMS au 3044. Nous allons terminer cette émission en vous rappelant d'abord où est-ce qu'on se fait payer le petit déj gratos jusqu'à 10h ce matin dans la région liégeoise. Justine. On est en rue Adolphe Borgne, numéro 44, c'est la boulangerie Charlie et c'est évidemment Charlie qui vous attend et qui vous offre 2 viennoiseries par personne. J'ai mis en jeu ce matin des Golden Pass et des entrées pour découvrir la nouvelle attraction Pulsar, c'est à Walibi. Vous êtes inscrit en envoyant Pulsar par SMS au 6322, je fais sonner chez vous maintenant si vous décrochez, c'est gagné. C'était d'ailleurs le nouveau Pulsar, enfin donc la nouvelle attraction de Walibi, Lloyd. Non, pas encore, j'ai pas encore eu l'occasion malheureusement. Il va falloir y penser, avec ton écureuil, hein, pense-y. Par contre, tu l'attaches bien. Ce sera au programme pour l'été, ouais. Bien proche de toi. Il y a Johnny qui me dit, Evan, Lloyd, un petit drag pour faire péter mes baffles, ce serait super bien. Mais ça arrive, Johnny, avant 10h, avant 10h. Ah bah promis. Comme ça c'est dit. Drake avant 10h sur Fun Radio. On fait sonner chez quelqu'un, si ça décroche vous repartez avec vos Golden Pass ou vos entrées. C'est à gagner toute la journée sur Fun Radio, chez nous le matin, également chez Audrey l'après-midi entre 17h et 20h dans l'Happy Hour. Et ça sera comme ça toute cette semaine pour découvrir la nouvelle attraction nommée Pulsar. Oui, vraiment elle est belle. Oui, bonjour, quel est ton prénom? C'est Gauthier. Gauthier, j'ai une bonne nouvelle pour toi, t'as décroché, c'est gagné. Yes. Un grand merci. Mon gogo, tu habites dans quel coin? Bruxelles. Écoute attentivement ce que tu as remporté, mon Gauthier. Gauthier, tu repars avec tes 2 entrées pour Walibi et tu nous diras comment c'est Pulsar. Tu pourras nous envoyer des photos et vidéos sur la page Evan et la tribu. Félicitations, mon Gauthier. Je te fais des bisous. Merci, la tribu. Comme quoi, ça merci. N'arrive pas qu'aux autres. Bonne journée. Passez une belle journée. Bisous, Gauthier. Allez, nous, on va se séparer en vous lançant les morceaux de Fifth Harmony. Les filles, les magnifiques filles. Laquelle tu préfères dans les Fifth Harmony, toi? Je prends les 5, en fait. Ah, j'en étais certain de cette réponse. Bah, moi, je prends la première, la petite brune là, qui commence la chanson avec son petit shorty et sa petite chemise, visiblement, qui est un petit peu trop courte pour elle. On sera là demain à 6h et vive les diables ce soir à 21h. Soyez là. Bisous. Gros bisous, Evan. On est parti jusqu'à 13h sur Fun Radio. Rizza dans un instant. Et voici donc les Fifth Harmony sur Fun. I'm sending pic after picture, I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work. But you gotta put in work. You don't gotta go to work. Let my body do the work. We can work from home. Oh, oh. We can work from home. Oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work. But you gotta. You don't gotta go to work. Fun Radio. Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. Je m'en fous.

Radio. Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son Dance Floor.